à 20h45. Europe 1. 16h03 sur Europe 1. On marche sur la tête, c'est maintenant. Merci Émilie Dez. On se retrouve à 16h30, hein, bien entendu. Vous aviez vu juste pour Novak Djokovic. Et j'avais vu juste pour Zverev aussi. Zverev en finale. Pour l'instant, je vois juste, je suis plutôt pas Bravo. Mal en tennis. Bravo. J'espère être aussi bon en politique, mais pour l'instant, je suis meilleur en tennis qu'en politique. Hein. Sur mes, hein, franchement, sur mes pronostics, j'avais pas pronostiqué François Bayrou. Bon, après, François Bayrou, il s'est imposé tout seul. Il s'est dit, voilà, voilà, c'est vrai, on va pas se raconter d'histoire. C'est vrai. Il s'est nommé lui-même Premier ministre, donc c'est assez rare. Allez, on est parti pour On marche sur la tête sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h04. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, bien entendu. Je le rappelle, hein, Europe 1, On marche sur la tête. C'est l'émission qui a le plus progressé, toutes émissions confondues, depuis le début de l'année. Donc merci à tous. Hein. Vous pouvez chercher, hein, même sur Radio Cocktail, Radio Totem. Voilà, n'hésitez pas. Et tout ça grâce à qui? Grâce à Gauthier Lebray. Grâce à Olivier D'Artigol également, bien entendu. Grâce à Fabien Lecoeuvre, qui fait un quart d'heure incroyable. Et 17h15, c'est le plus fort de l'émission. Et grâce à Géraldine Maillet. Valérie, merci. Surtout. Non, qui a Géraldine Maillet et Valérie Béné. Vous êtes un... Ça va, vous en avez fait beaucoup maintenant aussi. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Ah, alors, avant de revenir sur le complément d'enquête d'hier soir. Incroyable, on va revenir dessus avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être avec nous. Merci. Alors, j'ai jamais su. Est-ce qu'on fait la. On fait pas la liaison. Moi, les noms propres ne s'accordent jamais. C'est ça, moi je ne l'ai jamais fait, mais j'entends des journalistes parfois la faire. Certains. Voilà. J'ai essayé désespérément, mais à l'usure, je vais y arriver. Je sais, mais ce sont des journalistes de gauche qui le font. Oui, ça. Bah, oui. Dupont-Aignan. Vous énervez. Oui, je le sais. Mais comme il y a plus de journalistes de gauche que de droite. Tout le monde veut vous énerver. 01 80 20 39 21, va vous raconter ce qui s'est passé hier, hein, dans complément d'enquête sur France 2. C'est absolument incroyable, hein, Gauthier Lebray. On va revenir dessus. Ah bah c'est alors c'était drôle parce que évidemment il y avait Bruno Retailleau donc dans cet entretien à la fin de ce documentaire de complément d'enquête. C'est là où on voit le décalage, si vous voulez, entre ce que vivent les Français et ce que et le narratif qu'essaye d'imposer le service public. Parce que le narratif, c'est tout va bien, il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité, on distribue trop d'OQTF, c'est pourquoi on n'arrive pas à les réaliser. Enfin, il y a la réalité, puis il y a le parallèle à cette réalité. Et après, on peut faire la bataille des chiffres, parce qu'ils ont mis devant Bruno Retailleau des chiffres qui tenteraient à prouver qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration, et même que les magistrats sont pourquoi pas racistes, hein, c'était le sous-entendu à un moment donné, et condamnent plus sévèrement les étrangers que les Français. Alors moi, j'ai des chiffres à vous révéler, si vous voulez, dans un instant. Avec grand plaisir. On va réécouter un premier extrait de journaliste a exposé à Bruno Retailleau une étude qui révèle que 98,6% des OQTF n'ont jamais été condamnés par la justice, et le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de lui rappeler que cela n'avait rien à voir. Écoutez sa réponse. Il y a 1,4% des personnes sous OQTF qui ont été condamnées pour un crime ou pour un délit. Ça veut donc dire que 98,6% n'ont jamais été condamnés par la justice. C'est pas forcément... Mais vous vous trompez. L'OQTF n'est pas prise en fonction d'un trouble à l'ordre public. L'OQTF, c'est simplement une décision qui constate l'irrégularité d'un individu sur le territoire français. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis assez d'accord avec Bruno Retailleau, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur. Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous dites de ce complément d'enquête d'hier soir? C'est surréaliste, mais c'est toujours comme ça. En fait, ils veulent cacher les faits. Mais les faits, il y a des chiffres, et les chiffres, ils ne mentent pas. J'ai repris les chiffres. En 10 ans, un peu plus de 10 ans, on a triplé le nombre de demandeurs d'asile. 50 000 à 150 000. Depuis, si on regarde en 20 ans, on a triplé les autorisations de séjour. Et on est passé de 100 000 à 323 000 en 2023. C'est 500 000 par an d'autorisés. Et dans les demandeurs d'asile, il y en a 80% qui sont refusés, mais qui ne sont jamais expulsés. Donc, on est dans un système de folie. 500 000 par an. Vous voyez ce que ça veut dire en un quinquennat, c'est la ville de Paris, plus que la ville de Paris. En deux quinquennats, c'est deux villes de Paris. Mais il y a un moment, toutes ces personnes légales, je parle des légales, je parle même pas des clandestins, on les met où? On les loge où? On les accueille comment? Quelle dignité? Ça, ils veulent pas voir. Donc, en fait, on a laissé grossir un phénomène et on le maîtrise absolument plus. Mais il y a des causes à tout ça. Et ce qui, parce qu'on parle des OQTF, c'est intéressant, la directive retour de l'Union européenne. C'est parce qu'il y a eu la signature de la directive retour entre nous sous Sarkozy qu'ensuite Hollande a été obligé de supprimer le délit de séjour irrégulier. Et aujourd'hui, quand vous avez un irrégulier, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous lui signifiez une OQTF. Mais il a 30 jours pour aller se promener. Exactement, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, on est en plein délire. Ah ben ça, c'est sûr. Mais, et aux États-Unis, bah, Trump, il envoie l'armée aux frontières pour renvoyer les migrants, les clandestins et les délinquants. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux gens qui sont réguliers déjà, mais déjà si on pouvait traiter le problème des irréguliers. Donc voilà le problème, on est en plein délire. Il y a des mesures à prendre, on les connaît. Annulation de la directive retour, rétablissement des frontières, création de centres de rétention, rompre avec les directives de l'Union européenne, le pacte asile-immigration, rompre l'accord de 68, arrêter la non-expulsion des délinquants étrangers, suppression du droit du sol. On les connaît, les mesures. 01 80 20 39 21, vous réagissez, bien entendu, sur Europe 1. On va mettre un deuxième extrait. Bruno Retailleau a expliqué que le seul lien qui existait entre le désordre migratoire de la France et la surreprésentation des étrangers, et il a donné des exemples, écoutez. Malheureusement, il y a une cohérence. On fait souvent le lien dans les discours politiques et certains discours médiatiques également, un lien entre OQTF et insécurité, non ? Non, on fait un lien entre un désordre migratoire, une immigration qui n'est pas maîtrisée, et la surreprésentation des étrangers. Quand on regarde le poids de la population des étrangers en France, autour de 7%, par exemple le vol de voiture, le cambriolage, c'est 38% qui sont commis par des étrangers. Vol de voiture, 40%. Encore une fois, il y a tout un tas de biais, il peut y avoir des discriminations dans la chaîne pénale. Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais les chiffres, ils sont accablants. Et donc, il y a un moment, est-ce qu'on réagit ou pas ? Et le problème de Bruno Retailleau, que j'aime beaucoup, vous le savez... Alors, on l'aime, et il sera notre invité aussi un lundi sur Europe. Oui, mais le problème de Bruno Retailleau, c'est qu'il prend des mesures. Là, il y a une nouvelle, par exemple, circulaire très intéressante et très positive. Il y a 30 000 régularisations dans le Figaro et d'autres journaux. Ils disent, en gros, ça va réduire de 10 000. Ils reviennent sur la circulaire Valls. Voilà, mais c'est une rustine. Si on ne contrôle pas nos frontières, excusez-moi, si on ne rompt pas avec l'Union européenne telle qu'elle l'est, et ça, Bruno Retailleau ne l'obtiendra jamais de François Bayrou et de Macron. Ah, mais il le sait. Ben il le sait, mais il y a un moment, Bruno Retailleau, il fait tout ce qu'il peut. Il essaie de faire tout ce qu'il peut. Oui, mais il y a un moment. Oui, mais peut-être qu'à un moment, il se dit, j'ai peut-être visé plus loin. On verra. Peut-être visé 2027, mais en attendant, attention à ne pas refaire du Darmanin, pas refaire ce qui s'est fait depuis 20 ans. C'est-à-dire, je pense que les Français, ils ne veulent pas non plus qu'on annonce des choses qu'on ne réalise pas. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, juste... C'est pas pour l'attaquer, dire qu'il y a un moment, il sera devant un dilemme de conscience. Comme c'est un homme honnête, bien sûr. Et je pense qu'à un moment, il dira, s'il voit qu'il n'arrive pas, il partira. Exactement, ça, d'accord avec vous. Mais ça sera obligé. Je poserai la question d'ailleurs lundi, qui sera avec nous. Je lui ai dit d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec vous, Bruno Retailleau. À un moment, il essaie de faire tout ce qu'il peut. Mais là, à un moment, la situation politique de la France fait qu'il y a une marge de manœuvre qui est minime. Donc forcément, à un moment, est-ce qu'on peut faire bouger les choses avec la situation actuelle ? Ça me semble compliqué. Donc on va en parler dans un instant. On se retrouve dans une minute sur Europe 1. Nicolas Dupont-Aignan reste avec nous et on va continuer à dérouler ce complément d'enquête. Vous allez nous dire ce que vous en pensez ici sur Europe 1, tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Qui offre le plus ? 57, 59, 60%, 60% une fois, 60% deux fois, à juger. Chez Poltrone Sofa, on fait des super affaires avec remise de 60% sur la collection précieuse. Ça se termine demain. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions magasin. Comme vous, chez Orange, on aime bien quand... Ah ouais, ça change. Mais on aime bien aussi quand on nous dit « Mais t'as pas changé ». Alors jusqu'au 4 février max, avec le code promo 25, la série spéciale mobile 120Go 5G est à 14,99€ par mois. Un prix qui n'est pas prêt de changer. Ok, ça change tout. Orange est là. Offre valable pour clients internet en France métropolitaine. Code promo utilisable une fois jusqu'au 4 février pour les nouvelles souscriptions. 5G avec terminal compatible dans les zones couvertes. Conditions détaillées sur orange.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, j'ai trouvé les prix les plus bas du marché. Ouais, je sais, les rikiki prix. Ah non, c'est les petits prix oui patron. Quoi ? Répète ? Les petits prix oui patron. Et pour le pouvoir d'achat des clients, c'est un grand oui. J'entends mal, les choupi prix. Les petits prix oui patron. Quoi ? Ah bah, c'est pas gagné. Les petits prix oui Lidl, une chose est sûre, vous allez retenir leur prix. Ce sont plus de 300 produits aux prix les plus bas du marché. Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On marche sur la tête. C'est votre rendez-vous entre 16h et 18h avec toute l'équipe, bien entendu. Il y a D'Artigol, il y a Lebré, il y a Lecoeuvre et il y a Géraldine Maillet, bien entendu. Quel bonheur de la voir. Merci Géraldine. Géraldine, on parlera bien entendu de ses ennuis judiciaires. Ah, avec Fabrice Divisio dans un instant. Non, c'est ça l'affaire. Bien sûr, merci. Ça l'affaire, il sera là. Il sera là pour vous, D'Artigol. Bon, Nicolas Dupont-Aignan est avec nous et on revient sur ce complément d'enquête hein, hier soir sur France 2, intitulé « OQTF, quatre lettres qui divisent la France ». Et ce reportage était consacré au décalage entre le nombre de mandats d'OQTF délivrés et leur taux d'application, qui n'a jamais été aussi bas selon le service public. Hein, on est d'accord, Gauthier Lebré. Oui, c'est ça. Alors, moi, je peux vous donner quelques chiffres, oui. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le service public sélectionne les études, évidemment, qui vont dans le sens de leur narratif. Il y a des chiffres hein, qui sont publics, qui ont été publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur. En 2023, selon l'INSEE, il y avait plus de 4 800 000 immigrés de nationalité étrangère vivant en France, soit 7% de la population française. Selon le ministère de l'Intérieur, la part des mises en cause pour cambriolage de logement de nationalité étrangères en 2016 est de 26% et de 38% en 2023, alors que la part d'immigrés de nationalité étrangère est de 7% la même année. Selon ce même organisme de statistiques, la part des mises en cause pour vol dans les véhicules de nationalité étrangère en 2016 est de 18% et de 40% en 2023, alors que la part d'immigrés est toujours de 7%. Un autre chiffre, la part des mis en cause pour vol, violence sans armes de nationalité étrangère en 2016 est de 21% et de 31% en 2023. Et en un dernier, la part des mis en cause pour vol avec armes de nationalité étrangère en 2016 est de 16% et 20% en 2023. Donc vous voyez, on peut après m'expliquer qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et une partie de l'immigration. Les chiffres que je viens de vous citer prouvent exactement le contraire. Donc, non, mais c'est sûr. Ils peuvent essayer de mettre des œillères et de vivre dans une réalité on parallèle. On va vous donner la parole après au chroniqueur, parce que Nicolas Dupont-Aignan doit partir à 16h30, donc on va lui laisser voilà, une petite part quand même. Voilà, exactement. Moi, j'écoute aussi. Paris-Lyon-Marseille, c'est 40% à 55% des étrangers dans la délinquance. Paris-Lyon-Marseille. Juste, c'est complètement dément. Et les places de prison aussi. Moi, j'ai une donc il y a un moment, là aussi, quand est-ce qu'on arrête? Mais encore une fois, je reviens, je fais une fixation, vous allez me dire. Mais moi, je reviens à la frontière. Si on ne comprend pas qu'on ne peut pas avoir de politique migratoire, parce qu'on délivre des expulsions. Oui, mais... vous expulsez quelqu'un, allez, vous l'expulsez. Il revient par l'Espagne. On a un gouvernement socialiste en Espagne, oui. Les portes sont ouvertes. Une fois qu'il est en Espagne, il n'y a pas de frontière entre la France et l'Espagne. Il revient. Oui. Quand ils arrivent en Italie ou en Grèce, l'Italie, Meloni, elle est comme ses prédécesseurs, elle donne un billet de train gratuit pour Vintimille. Et après, ils vont en Allemagne ou en France. Donc, quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut rétablir un contrôle aux frontières, systématique, précis, fort? Voilà pourquoi je propose qu'on mette l'armée. Et qu'à un moment, on dit stop. Et là, on donnera un sens à nos mesures. En fait, on vit dans un théâtre, on vit dans un grand théâtre. Et le service public, et la télé... Alors moi, moi, j'ai une petite question à poser, et à poser à nos auditeurs également, sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Faire un complément d'enquête, Gauthier notamment, sur les OQTF, en essayant de minimiser... mine de rien, le problème des OQTF, hein, ce qui a été... Oui, et en disant qu'on en délivre trop, exactement, et voilà, que c'est la politique du chiffre, et que si on n'arrive pas à les appliquer, c'est parce qu'il y en a trop. Moi, je voudrais revenir sur les affaires. Il y a eu l'affaire Philippine, en septembre 2024. Parlez. Bien sûr. Lola. Bien sûr. Noam. Bien sûr. Une magistrate et une étudiante. Deux policiers à Montpellier. On n'aurait pas eu assez d'une émission entière pour faire la liste. La liste est très très longue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence, même pour la famille, je pense à la famille de Philippine, hein, c'était en septembre 2024, hein, c'est ça vient d'arriver, est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence à faire un tel documentaire, un tel reportage sur France 2? Je pose la question, Cyril, peut-être que je me trompe. Il y a un biais, en fait... Tout dépend où est-ce que vous mettez la lumière. Oui. Ils décident de mettre la lumière sur les 98% d'OQTF qui n'ont pas été condamnés. Forcément, oui, c'est ça. Vous ne recevez pas une OQTF quand vous êtes condamné. Pas forcément, vous la recevez quand vous êtes en situation irrégulière. C'est ça qui vous fait délivrer une obligation de quitter le territoire français. Il n'empêche que quand il y a un de ces OQTF qui se retrouvent dans une histoire sordide, il ne devrait pas être en France, donc cette histoire n'aurait pas dû se produire, ce drame n'aurait pas dû se produire, évidemment. Mais donc c'est toujours pareil, où est-ce que vous mettez le focus? Ils ont décidé de mettre le focus là. Ils le mettent pas, ils ont pas fait un complément d'enquête en allant interroger la mère de Lola, ou en allant interroger les parents de Philippine. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Bah oui, Olivier D'Artigol. Il y a deux dimensions. D'abord, c'est... Vous avez vu quand même Nicolas Dupont-Aignan. Il me fait des signes depuis tout à l'heure pour que je vous donne la parole. Nicolas Dupont-Aignan, mais après, je vais être honnête avec vous, Cyril Hanouna. Oui. Je fais très attention parce que si je consomme trop de temps de parole, on m'a dit que Europe 1 n'a pas assez de temps pour moi parce qu'on me considère, voilà. Et donc, si je consomme trop de temps de parole, après, je pourrais pas revenir. Alors, c'est pour ça que un acte charitable pour moi aussi. C'est pas complètement de la charité. Alors, c'est une charité intéressée. Oui. Ce que vous pouvez faire, Nicolas Dupont-Aignan, ce que vous pouvez faire, vous dites ce que vous voulez dire à l'oreille de D'Artigol et il le dit lui. C'est pas mal, ça. Non, je le ferai pas. Mais en plus, ça me fait plaisir d'entendre ce qu'il va dire parce que ça me permet de voir ce qu'il pense. Cyril, deux choses. D'abord, ce serait indécent si on nous expliquait qu'on ne peut rien changer. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Une première question, oui Gauthier, on délivre énormément d'OQTF, puisque le nombre d'OQTF a doublé en 10 ans. Nous en sommes là, c'est une spécificité française. Et on n'a jamais aussi peu exécuté d'OQTF. Il y a le problème, donc, c'est pas d'en délivrer trop. Ça c'est extraordinaire, c'est pas d'en délivrer trop le problème. Je peux terminer. Je t'ai laissé développer. Accepte, souffre que je puisse terminer une idée. Il va passer le week-end à Pau sans Valérie Benaïm. Laissez-le quand même parler. Souffre en silence. Ça va, merci. Donc, oui. Énormément d'OQTF. Donc déjà première question. Est-ce que ça, je pose la question à Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que nous délivrons trop d'OQTF? Première question. On n'en a jamais délivré aussi peu. Ça rend les gens malades parce qu'on leur dit tous les jours 7%. Ça veut donc dire qu'il y a une impuissance publique. Et quand ces OQTF sont associés à des drames absolus, des gens qui sont là, qui n'auraient pas dû être là et qui commettent des actes horribles, l'opinion publique est saisie d'effroi. Ça, je le comprends très bien. La seule chose que je demande, c'est que OQTF, c'est un statut administratif. Je suis d'accord pour qu'on discute de tout à partir du moment où on ne dit pas OQTF égale délinquant. Parce qu'il y a énormément d'OQTF qui n'ont pas... S'il y a un irrégulier, il y a de la délinquance. Laisse-moi terminer. Il y a énormément d'OQTF qui n'ont pas troublé l'ordre public et il y a des OQTF qui, bien évidemment, l'ont fait. C'est normal. C'est la seule chose que je dis. Oui, Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais d'abord, le vrai problème, c'est que ce sont des clandestins. Aujourd'hui, et c'est le service public qui a voulu ça, OQTF, ce serait le pauvre gars, gentil. Je suis désolé, il a violé la loi. Il est rentré clandestinement. Mais ce n'est plus un délit depuis 2012, à cause de cette directive européenne. Donc, il faut rétablir le caractère délictuel. Vous rentrez clandestinement, vous violez la loi, vous dégagez. C'est le point clé. Et pour ça, il faut des centres de rétention. Il faut, si les pays d'origine ne les récupèrent pas, on les met en centre de rétention, il y a une dissuasion. Mais si on ne fait pas de dissuasion, il y a plus d'OQTF parce qu'il y a plus de clandestins, parce qu'on est une passoire. Et parce que la France est devenue une terre de délinquance d'étrangers, notamment du Maghreb, qui ne se permettraient pas de faire le quart du dixième, du centième dans leur pays d'origine. Merci. Moi, j'ai vu un Marocain récemment, ministre, qui m'a dit... Mais vous êtes d'une faiblesse. Donc nos délinquants vont chez vous. Nicolas Dupont-Aignan. Bon courage, gardez-les. Est avec nous sur Europe 1. Tiens, il y a Géraldine Maillet qui voudrait réagir depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci Géraldine d'être avec nous, quel bonheur, avant d'être derrière les barreaux. Alors, d'abord, moi je trouve ça très bien que Monsieur Retailleau soit allé dans complément d'enquête. Il a été excellent. Ouais. Et je trouve que justement, il sera avec nous lundi, vous même le direz. s'il est en terrain hostile quand il va dans cette émission, je trouve que c'est, il sert aussi de lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire. Et en fait, je trouve que aussi ce reportage, même si le titre est sidérant, 4 lettres qui divisent la France. À quel moment la France est divisée? En fait, même 70% des gens qui votent à gauche veulent que les OQTF dégagent. C'est vrai que ce titre est bizarre. Donc déjà, je pense que ça fait tous l'unanimité. Les gens qui n'ont pas à être en France ou qui sont en France de manière illégale, moi personnellement, je ne veux pas qu'ils soient en France. Donc je pense que la France n'est pas du tout divisée. Mais moi, je trouve que c'était intéressant ce reportage parce que quand Bruno Retailleau a parlé et quand on a vu les images, moi, je me suis rendu compte que c'était un tel barnum, un tel foutoir, telle administration complètement écrasée, des règles, des normes. Je me suis dit qu'il fallait dépoussiérer tout ça et au moins, moi, je pense que en fait, complément d'enquête a fait fait un contre-son-camp. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vu ça et je me suis dit, mais mon Dieu, mais on n'est vraiment pas rendu, quoi. C'est catastrophique. Non maîtrise des frontières. Bon, là, on est au-delà. On ne comprend pas les recours. Alors, ils reviennent sur le cas de, justement, de l'assassin de Philippines. Mais en fait, le nombre de recours. Alors, on a droit à 5 jours après qu'on soit en CRA. 5 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 40 jours, 75 jours. Mais on marche sur la tête, pour le coup, d'avoir autant de recours. Oui. D'avoir autant de recours pour des gens qui sont illégaux, alors que les Français n'ont pas de recours, n'ont pas autant de recours que ça quand ils ont des problèmes. Donc là, pour le coup, moi, je pense qu'il faut remettre à plat tout, faire un référendum sur l'immigration, et je pense que là, on sera beaucoup plus qu'à 70%. Je sens, et Nicolas Dupont-Aignan, j'ai l'impression qu'il veut que vous rejoigniez beaucoup la France. Et revoir les aides sociales. Ouais. Parce que, écoutez, un pays, on peut rentrer, on peut commettre des actes de délinquance. Il faut en commettre 50 pour être emprisonné, et encore. Et en plus, vous avez l'aide sociale. Et vous vous mariez avec une Française. Vous avez un enfant, vous n'êtes plus expulsable. C'est génial, c'est le pays de Cocagne. Donc, il y a un moment, stop, c'est tout. Est-ce qu'on veut vraiment se donner les moyens d'arrêter Nicolas de Dupont-Aignan. Manière paisible, sereine, mais ferme. S'il vous plaît, Nicolas Dupont-Aignan de Boule à France. On a également Fabien Lecoeuf de Assy, l'île de France. Moi, je voudrais poser une question familiale. Parce qu'en fait, vous avez un héros dans votre famille, c'est votre grand-père. Non, mais non, on est sur le sujet des OQTF, c'est bon, là, la suite. Ça non, va, mais... Oh, non, mais c'est bon, là. Non, mais sans rigoler, mais c'est de finir. C'est non, très non, important. Vous demandez, qu'est-ce que vous avez demandé. Non, je vais pas demander le premier disque qu'il a acheté dans sa vie. On est sur les OQTF. Mais je pense que c'est un rapport, parce que c'est un vrai héros. Il nous reste une minute trente. De la première guerre mondiale. Il a été abattu au-dessus de Metz. Il s'en est tiré. En fait, l'avion a été abattu. Et vous avez connu votre grand-père. Qu'est-ce qu'il vous a laissé comme message de la France, finalement? Est-ce qu'il a été important? Moi, j'ai connu, comme ça, mon arrière-grand-père qui a fait la guerre 14. Il vous a laissé un message? Vous aviez 13 ans quand il est J'avais parti. 13 ans quand il est mort. Cet homme a été un des premiers aviateurs. Il a été abattu sur son avion. Il s'est mis sur l'aile. L'autre mécanicien sur l'autre aile. Mmh. Il s'est écrasé. Il a survécu. Il a vécu très paisiblement. Il était d'une modestie, d'une humilité. Il a refusé toutes les décorations. Il n'a jamais rien dit. Et voilà, c'était un serviteur discret. Humilité, voyez ou pas? Qu'est-ce que je dis toujours? Humilité. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Moi non plus. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous. Juste avant, pour les auditeurs d'Europe 1, tout le monde se demande, est-ce que ça a marché le complément d'enquête d'hier? Non, pas du tout. 652 000 téléspectateurs pour complément d'enquête. Oh là là. On rappelle, le troisième meilleur score, ça a été Jordan Bardella avec 1,5 million de téléspectateurs. Depardieu, 1,7 million. Et le reste. Votre humilité. Quel a été le meilleur score? Je peux quand même ajouter un mot. Il faut supprimer l'ARCOM parce que moi je suis scandalisé que France Inter, chaîne publique, je suis exterminé 0% de temps d'antenne, zéro. Rien n'est respecté. La loi n'est pas respectée sur les chaînes publiques. C'est les Français qui payent avec leurs impôts et la loi n'est pas respectée sur l'égalité des traitements. Voilà. Merci, ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Mais comme je ne peux pas le dire sur les chaînes publiques, je le dis chez nous. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Et puis on parlera de ma rencontre avec Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Il y a plein d'auditeurs qui me demandent. Bien sûr, on n'a pas de détails. Sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Merci. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. À tous ceux qui prennent de l'artichaut en entrée. Allez, plus que 48 feuilles avant le cœur. Puis qui enchaînent avec une session de dépiautage de paupiettes. Et adieu la nappe blanche. Pour terminer avec un pamplemousse à la petite cuillère. Si vous aimez aussi décortiquer, jusqu'à samedi, Intermarché propose les crevettes cuites à seulement 6,99€ le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre de 30 à 50 pièces au kilo, élevé en Équateur, Venezuela ou Nicaragua, selon approvisionnement. Pour votre santé, bougez plus. Cuir Center. Vous savez que Cuir Center fait des canapés en tissu. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que la nouvelle collection 2025 vient de sortir. C'est le moment idéal pour profiter de prix de lancement exceptionnels. Des canapés tissus à prix exceptionnel chez Cuir Center, maintenant vous savez. La nouvelle collection tissu, c'est jusqu'au 24 mars. Détails sur cuircenter.com. Ah, la nouvelle année, les projets. Avoir une voiture qui démarre quand on la démarre ou une deuxième salle de bain pour arrêter de courir le matin. Mais ça tombe pas du ciel, c'est ça? Oui, voilà, oui. Ça tombe bien. Du 6 janvier au 2 mars 2025 inclus, profitez de notre offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels. Auto, travaux ou projets. Pour en savoir plus, rendez-vous en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, citoyenne. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot i208 100% électrique. Là, vous pensez pas mal. Mais si en plus, je vous dis que c'est vous qui pourriez être à son volant, pour 24 000 euros seulement, et en payant chaque kilomètre trois fois moins cher qu'avec une version essence, là, vous pensez que c'est LE moment de passer à l'électrique. Exemple pour l'achat d'une Peugeot i208 style neuve hors option. Bonus écologique de 4 000 euros déduit et 8 ans de garantie à l'URCAR inclus. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. On marche sur la tête, revient dans un instant sur Europe 1. Grand frais. Oui, pour faire la visite guidée du château demain, je peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent des tranches de chiffonade parfaites pour les raclettes. Mais improvisées, le roi Philippe machin et son château de 1300 je sais pas quoi. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, la planche de 65 tranches, dont 10 offertes, est à 11,97€ les 320 grammes. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. 37,41€ le kilo au lieu de 44,22€. Jambon cru, copa, saucisson et speck, élaboré en Italie, selon stock disponible. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. Comme par exemple 750 ml de gel WC en bipur pour seulement 1,69€. Quoi? C'est vraiment pas cher. Ou encore un oreiller en microfibre ConfiBeds pour seulement 3,99€. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Passer une bonne année, c'est savoir saisir les bonnes opportunités. Jusqu'au 31 janvier chez Ford, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Comme le nouveau Puma hybride et connecté à partir de 169€ par mois. Ford. Exemple pour un Puma Titanium hybride 125 chevaux LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer de 3 990€. Offre à particulier jusqu'au 31 janvier sur véhicule en stock si acceptation par Prémanilis SAS. Voir détails sur Ford.fr. Pensez à covoiturer. Élection des chambres d'agriculture, chaque voix compte. En janvier, le monde agricole fait entendre sa voix. Exploitants, salariés, retraités, propriétaires, membres d'un groupement, c'est à vous d'élire vos représentants. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Vous aussi, votez pour l'agriculture. Rendez-vous sur jevote2025.chambre-agriculture.fr. Carrefour. Quand vous me dites 2025, c'est l'année du serpent de bois. Eh bien, pour fêter comme il se doit le nouvel an chinois, pour deux produits Suzy One achetés, le troisième est offert. Et c'est valable sur tout Suzy One. Et c'est jusqu'au 3 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détaillez magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Europe 1, le journal permanent. Il est 16h30 sur Europe 1, c'est le journal permanent avec Émilie Day. C'est une circulaire de fermeté, je l'assume totalement, réaffirme cet après-midi Bruno Retailleau, invité de la grande interview Europe 1 CNews. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin l'application dès aujourd'hui d'une nouvelle circulaire pour lutter contre l'immigration illégale. Elle préconise au moins 7 ans de présence en France pour être régularisée au lieu de 5 actuellement. Le Hamas a dévoilé les noms des 4 otages israéliennes qui seront libérées demain. Elles seront échangées contre un nombre inconnu de prisonniers palestiniens. 3 jeunes femmes ont déjà été libérées le week-end dernier. Il restera donc 26 otages libérables conformément à la première phase de la trêve signée entre Israël et le Hamas. La crise en Ukraine en 2022 aurait pu être évitée si Donald Trump avait été président. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin se dit prêt à des négociations avec son homologue américain sans pour autant donner de date concrète. Le verdict est attendu aujourd'hui. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans à l'encontre de la mère d'Amandine, cette enfant de 13 ans morte affamée. La mère de famille est jugée devant les assises de l'Hérault pour actes de torture et de barbarie. 18 ans de réclusion ont également été requis à l'encontre de son ancien compagnon. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire. 7 personnes ont été présentées à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen après le kidnapping et la séquestration du cofondateur d'une société spécialisée dans la crypto-monnaie. Il avait été enlevé dans le Cher avec son épouse. Mardi matin, les 3 autres personnes en garde à vue ont été relâchées sans poursuite. Avant d'arriver en France, la tempête Eowyn a balayé l'Irlande avec des vents records. Plus de 800 000 foyers sont privés d'électricité. Le Morbihan est en vigilance orange, pluie et inondation. Des nouvelles d'Alexis Peintureau, victime d'une lourde chute au Super G de Kitzbühel en Autriche. Le Français est blessé au genou et au tibia avec fracture. Alexis Peintureau avait déjà été victime en janvier 2024 d'une grave blessure à la jambe gauche. Blessure qui avait nécessité une longue rééducation. Et puis c'est Jean-Pascal Zadi qui présentera la 50e cérémonie des Césars. Jean-Pascal Zadi qui avait remporté en 2021 le César du meilleur espoir masculin pour Tout simplement noir. La cérémonie des Césars sera diffusée le 28 février en clair sur Canal+. Merci, Émilie Dez, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on vous retrouve à 17h? Mais je reviens à 17h. Par le plus grand des hasards. Mais ce n'est pas grave. Je reviens. Allez, on est reparti pour On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, bien entendu, 16h32. On est heureux d'être là. Très heureux. On est heureux. Il y a Fabien Lecoeuf qui sera là, bien entendu, dans un instant, à 17h pour ses infos people. Il y a du lourd aujourd'hui. Comme d'habitude, apparemment, l'amour existe encore. Il nous en parlera dans un instant. Olivier D'Artigol est là. Il y a bien entendu Gauthier Le Bris. Il y a bien entendu Géraldine Maillet. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Et puis, on va réagir à plein de sujets. Alors, ceux qui veulent réagir à complément d'enquête, hein, le complément d'enquête d'hier sur les OQTF, vous nous appelez. Et puis, dans un instant, je vous dirai, je vous raconterai ma rencontre avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Je l'avais un petit peu bousculé, hein, le même jour. Et le soir même, alors que je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, je tombe sur lui au Parc des Princes. Vous attendez pas un truc de fou. Mais on veut tout savoir. Je préfère vous dire la vérité. Ah ouais, je préfère vous dire la vérité. Ça, c'est limité à un bonjour, au revoir. On va en parler dans un instant. On veut tout savoir. Regarde, poignée de main, comment il était habillé, tout. On reste sur les OQTF, pour l'instant. Moi, je veux bien répondre au camarade D'Artigol. Qui a dit quoi? Qui a dit que les OQTF avaient explosé, qu'on délivrait beaucoup plus d'OQTF qu'avant. Bah oui, forcément, l'immigration clandestine a explosé. Donc plus il y a d'étrangers en situation irrégulière, plus il y a d'OQTF. Enfin, c'est pas la volonté de délivrer plus d'OQTF qu'avant. C'est qu'il y a plus d'étrangers en situation irrégulière qu'avant. Je connais cet argument, mais y compris des gens de droite. C'est la réalité. Peuvent dire, il vaudrait mieux peut-être en délivrer un peu moins, en exécuter un peu plus. Parce que Alpré, en termes de ce qu'on peut appeler la politique du chiffre, quand tu donnes le bilan à la fin de l'année de ce qui est exécuté, c'est tellement indigne, famélique, ben oui, que ça pose la question de la volonté politique réelle. Mais ça, c'est simplement ça que je disais. Là-dessus, on est d'accord, mais il ne faut pas cacher les chiffres en délivrant moins d'OQTF, il faut les appliquer. Parce qu'après, si on s'aperçoit qu'on délivre moins d'OQTF pour avoir des meilleurs chiffres à la fin de l'année, c'est un problème. Le problème, c'est de raccompagner chez eux ceux qui n'ont rien à faire en France. Ah ouais, non, il est de là. De toute façon, aujourd'hui, vous deux là, je ne sens pas le problème. Il y en a eu au moment de Bayrou à Matignon. Il y a des petits soucis quand même. Allez, il y a des auditeurs qui sont avec nous pour réagir. La raison, à ce complément d'enquête sur les OQTF, s'il vous plaît. Christophe est avec nous de Seine-et-Marne. Merci, Christophe. Merci à vous, Cyril. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Christophe, et bonjour à vous. Bah écoutez, moi je voulais réagir simplement, j'ai fait pas mal de sauts de puce, j'ai travaillé en boulanger aux États-Unis et au Canada. La question que j'aimerais poser à nos dirigeants, mais comment font les Ricains, comment font les Canadiens, les Australiens? Moi j'ai des anecdotes là-bas, mais à la moindre bêtise, ils déchirent votre passeport et vous foutent dehors. Je vous le dis, je connais les Ricains, je connais les macaronis, Mais vous savez, moi j'ai une histoire d'une connaissance là-bas, ils sont venus frapper dans la nuit les services d'immigration pour voir si son mari, elle s'était mariée avec un Français, pour voir si son mari était bel et bien là. J'ai un boulanger à Venice Beach qui a eu le malheur de partir en vacances alors qu'il était en process d'avoir une carte verte. Il est parti au Venezuela au moment de rentrer alors qu'il avait une boulangerie à Venice Beach depuis 10 ans. Il dit non monsieur, vous aviez pas le droit de sortir, vous rentrez plus. Donc là-bas, mais à la moindre bêtise, même au Canada, c'est une histoire de points. Vous faites une bêtise sur la route, c'est un point moins. Et voilà, on applique des lois de bon sens. Vous respectez pas la loi, une fois, deux fois, trois fois, c'est dehors. Mais c'est exactement ça. Oui, on le sait. C'est vrai que. Et pourquoi chez nous on, alors justement, est-ce que vous avez les réponses à ce que demande Christophe, Olivier D'Artigol? Pourquoi chez nous? Après, on va demander la vraie réponse à Gauthier Lebray, mais Olivier D'Artigol, la fausse réponse. Pourquoi chez nous? C'est une question de réponse judiciaire, c'est ça, monsieur? J'imagine. Il y a l'Europe qui bloque également. Bah oui. Bon. Alors pour vous, Gauthier? Non, mais là on parlait d'abord des expulsions avant du laxisme judiciaire. Pourquoi est-ce que, par exemple, Donald Trump met la pression à la frontière avec le Mexique quand nous, quand on est dans un conflit ouvert avec l'Algérie, on tend l'autre joue? C'est la volonté politique. C'est aussi simple que ça. La volonté politique. Vous savez, Cyril, que je ne pense pas qu'on me contredira, mais les lois les plus dures en matière d'immigration aux États-Unis sont sorties en 1998 sous Clinton, notamment sur le mariage blanc. Clinton était un démocrate, hein, donc Trump, le vilain, le méchant. Ouais, oui. Alors qu'il y a des lois qui ont été extrêmement strictes qui sont passées sous Clinton. Clinton, voilà quoi. C'est sûr, il a tout à fait raison, hein, Christophe. Enfin, ça, on va pas le contredire là-dessus. Géraldine Maillet. Après, le problème, moi, je trouve, en France, c'est qu'on est écrasé par l'idéologie. Et à partir du moment où on parle d'immigration, on est raciste. D'ailleurs, on n'a même pas dit, ou on n'a même pas dit ce qu'on comment on voulait gérer le truc. On est raciste. Au QTF, on prononce le mot, c'est bon, t'es facho, t'es raciste, t'es disqualifié. Voilà. Contrôle c'est des frontières, bah, on a bien vu qu'ils avaient enlevé des affiches parce qu'on me disait que le meurtrier meurtrier présumé de Philippines, qu'on doit dire ça, était un OQTF. Rappelez, Gauthier Lebrun, ils avaient enlevé les affiches. C'est Anne Hidalgo qui était choquée par ces affiches, puisque sur les affiches donc concernant Philippines, il était mis tué par un OQTF. Et le simple fait de rappeler qu'il était donc sous obligation de quitter le territoire français, c'était être xénophobe. Et c'est un peu la petite musique que veut sous-entendre le complément d'enquête hier. Oui, c'est ça. Le simple fait de dire... Si cet homme avait été expulsé, il n'aurait pas de fait tué Philippine, et donc ce meurtre n'aurait jamais dû se produire si l'OQTF était correctement appliqué. Ça, c'est être xénophobe pour le système, j'allais dire, pour Jean-Michel Apathy, pour Anne Hidalgo. Mais donc c'est pour ça qu'en fait on a reculé, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, parce qu'on avait peur d'être disqualifié et d'avoir ce procès en racisme. Et moi j'aimerais juste dire un truc aussi aujourd'hui, enfin cet après-midi, c'est que en fait, parler des OQTF, en fait, ça n'est pas être contre les étrangers. Parler des frontières passoires, ça n'est pas être contre les étrangers. On n'essentialise pas les étrangers. Bien sûr. C'est juste que on doit juste contrôler les gens qui sont là, et c'est pas une question de étranger ou pas étranger. Merci. Christophe, reste avec nous sur Europe 1. Christophe. Et il y a Lucas qui veut réagir également des Vosges. 01 80 20 39 21. On parle de ma rencontre avec Alexis Kohler aussi, secrétaire général de l'Élysée. On revient dans une minute là sur Europe 1. On est là. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites, moi le matin sans mon café, je peux pas démarrer ma journée. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le maxi format de 2x62Z de café Senseo classique ou corsé est à 10,32€ au lieu de 14,75€, soit 9 centimes la dosette seulement. C'est parfait pour bien commencer la journée, non? Et c'est jusqu'au 2 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 832 grammes, soit 12,40€ le kilo, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ? Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco. Oui. Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 15 février et exclusivement chez Arkéa. Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur-mesure pour vous. Voir conditions sur arkea.fr. Passer une bonne année, c'est savoir saisir les bonnes opportunités. Jusqu'au 31 janvier chez Ford, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Comme le nouveau Puma hybride et connecté à partir de 169€ par mois. Ford. Exemple pour un Puma Titanium hybride 125 chevaux LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer de 3 990€. Offre à particulier jusqu'au 31 janvier sur véhicule en stock, si acceptation par Prémanilise SAS. Voir détails sur Ford.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Allô, oui, bonjour. Merci, Olivier Dartigolle qui me fait rire. Gauthier Lebray, exactement. Également, Fabien Lecoeuvre, Géraldine Maillet. Merci, on est sur Europe 1 et Christophe est avec nous. Il y a d'autres auditeurs qui nous appellent. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, bien entendu, sur Europe 1 pour nous dire ce que vous avez pensé du complément d'enquête. Puis on va parler d'autres sujets juste après, bien entendu. Éric Piolle, notamment, un maire de Grenoble, qui veut trouver un moyen de vivre avec les dealers de sa ville. Ah oui, voilà, un modus vivendi. Ça, c'est magnifique, ça, c'est extraordinaire. C'est une des meilleures phrases de la semaine. Ouais, pépite. Je pense que c'est la meilleure phrase de la semaine. Je l'avais numéro 1. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Il y a Christophe qui réagissait aux OQTF. Je voulais juste rajouter une chose. Où est-ce qu'on met le curseur extrême droite? Ça me fait rire avec extrême droite. Parce que quand il y a eu Pasqua qui a envoyé pas mal de charters à l'époque, l'extrême droite n'existait quasiment plus. Si on ne veut pas d'extrême droite, déjà, comment on qualifie effectivement quelqu'un d'extrême droite? Mais à partir du moment où les gens, ou Retailleau ou d'autres, vont appliquer des mesures de bon sens, l'extrême droite va disparaître. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, la question aussi que je pose, À partir de quel curseur vous mettez, on vous qualifie d'extrême droite, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est si alors Le Pen ou Zemmour ou d'autres sont d'extrême droite, mais les lois américaines, quand je vous en parlais juste avant, mais à côté des propositions de Le Pen sont bien pires. Donc à ce moment-là, l'Amérique est d'extrême droite si on regarde les lois américaines en matière d'immigration. Bien sûr, exactement. Je suis assez d'accord avec vous, hein, Christophe. On ne sait pas, en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que, comme a dit Géraldine hein, tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec elle, en fait, vous ne pouvez pas parler d'immigration, vous ne pouvez pas parler d'OQTF. Non, c'est pas possible. Au-delà de ça, dès que vous dites même aujourd'hui, quand on est anti-woke, on dit qu'on est des fachos. D'extrême droite ou des fachos, mais c'est incroyable. Il n'y a pas d'argument, c'est un manque d'argument. On n'a que 2-3 mois à sortir. Vous êtes fachos, vous êtes bien sûr. Trouver des solutions pour les Français, pour la sécurité, exactement. Pour la maîtrise des frontières. La maîtrise des frontières, ce n'est pas un truc de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Même Thomas Guénolé, qui n'est pas forcément un mec de droite, il dit que tous les OQTF, ils n'ont rien à faire en France. Donc moi, je trouve que ça devrait faire l'unanimité. D'où ce truc de faisons un référendum. Dans les enquêtes d'opinion, une écrasante majorité ceux qui se reconnaissent dans la gauche veulent de la sécurité, veulent que les OQTF soient exécutés. Oui. C'est que quelques dirigeants d'une partie de la gauche qui sont sur un combat idéologique. On a l'impression qu'ils mènent le débat sur tout, en fait. Mais regardez, même Olivier Dartigolle, qui est quelqu'un d'intelligent, il parle d'immigration, il parle d'OQTF. Même Julien Drey, exactement. Bien sûr. Ils sont juste censés, ces gens-là. Manuel Valls aussi, hein. Manuel Valls. Exactement. Oui. Mais c'est qu'il n'y a pas d'argument en face. Voilà. Non, oui, non. T'es raciste. Non, les blacks américains aujourd'hui aux États-Unis, on parle de ce qu'a dit Trump aujourd'hui, c'est le mérite d'abord. On s'en fout de la couleur. Moi, je m'en fiche qu'il soit bleu, blanc. C'est simplement qu'on respecte nos lois. Il y a des différences de culture, mais la culture, elle se fait à la. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, quoi. Sauf, effectivement, à la fille qui a sa clientèle à. Et puis même d'un point de vue tout à fait pratique en fait, si vous partez par exemple d'un pays soit en guerre, soit pas en guerre, je sais pas, l'Afghanistan, la Syrie, vous traversez plein de pays pour arriver en France dans des conditions d'une immense précarité, vous avez pas de papier, vous avez pas de travail, vous avez pas de quoi vous loger, en fait c'est évidemment que c'est un aspirateur à insécurité, à délinquance. On n'essentialise pas l'étranger en disant que de fait il est délinquant, mais c'est juste qu'on n'a pas, enfin quelque part, on n'a pas le choix, comme le disait tout à l'heure Monsieur Dupont-Aignan, on n'a pas le droit de faire la liaison. En fait, on n'a pas de travail. Si, on peut la faire si vous êtes de gauche. Ah voilà. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'éducation pour eux, il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Donc c'est très compliqué. Redites le nom de Nicolas Dupont. Dupont-Aignan. Vous êtes de gauche. C'est de gauche. Olivier Dartigolle, qui était avec nous tout à l'heure. Lundi pour Monsieur Retailleau. Monsieur Dupont-Aignan. Oh, il est en train de virer. Par rapport à ce que disait Gauthier tout à l'heure, il faut exécuter, avoir. Puisque vous êtes en train de vous venir, vous êtes en train de nous dire que vous avez une question pour lundi pour Bruno Retailleau. Vous la poserez lundi, on est vendredi. Mais j'essayais de la tester auprès de vous. Non. Et moi j'ai confiance à 1000%. Franchement, Olivier Dartigolle, moi j'ai confiance. Ouais. J'ai pourrais la poser, j'en aurais qu'une à poser. Vous la poserez en direct, vous inquiétez pas. Lundi avec Bruno Retailleau sur Europe 1, dès 16h. Franchement, non. Hey, j'ai confiance. J'ai une confiance absolue. Il est solide. Vous inquiétez. Oh, il est solide. Je peux vous dire, il est sur ses appuis. Merci. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Ça m'a fait bien plaisir. J'apprécie beaucoup. Autant je regarde très peu TPMP, mais franchement, vous êtes vous assurez sur Europe 1. Merci beaucoup. Il faut nous regarder aussi. Hein, parce que il assure sur TPMP. Merci Christophe. Il a une vie, Christophe. Faut le laisser. Il a une vie. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Et ben vous embrassez. Vous avez bien raison. Je vous embrasse fort, Christophe. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. On a Gauthier Lebray d'abord. Après on a Lucas qui veut nous parler. Oui, vous parlez du wokisme à l'instant. Oui. Effectivement, j'ai vu que le simple fait de critiquer le mouvement woke pouvait choquer certains. Alors je rappelle que même le mouvement woke, c'est comme le mouvement immigrationniste. Il était ultra minoritaire. En Europe et même maintenant outre-Atlantique, puisque avec la victoire de Trump et la démission de Trudeau, le wokisme a du plomb dans l'aile. Mais c'est simplement parfois du bon sens. Quand je vois que Donald Trump veut empêcher que des femmes trans participent à des compétitions sportives avec d'autres femmes. C'est une question d'égalité et d'équité. C'est-à-dire que quelqu'un qui était un homme, qui est né homme, forcément, bien sportivement, ce n'est pas juste pour les autres femmes de le faire participer à la compétition. Ça me paraît assez logique. Et on a vu des compétitions aux États-Unis, notamment de course à pied, où la femme trans doublait toutes les autres femmes. Parce que, évidemment, les aptitudes physiques ne sont pas les mêmes. Bien sûr, bah oui, bah c'est normal. Bah oui. Après, si être anti-woke, c'est gracier des gens qui sont entrés dans le Capitole avec quand même des dossiers tous pour le moins très problématiques, avec des gens qui tenaient des entreprises de drogue. Avec bah oui, non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que. Non, mais il ne faut pas être non plus être dans l'idolatrie pro-Trump, parce qu'il fait quand même des choses, tu vois, très border aussi, par ailleurs. Il a gracié 1500 émeutiers. Parce qu'il a dit. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux sujets différents. Mais effectivement, je peux te rejoindre sur la grâce aux 1500 émeutiers du Capitole qui peut choquer, parce que c'était une émeute au sein du Capitole. Et si 1500 militants de la France insoumise faisaient pareil avec l'Assemblée nationale, on serait vent debout. Donc là, je peux tout à fait te rejoindre. Il n'empêche que Donald Trump avait dit qu'il ne les lâcherait pas, puisqu'il les a quand même un peu poussés à y aller, donc c'était un peu de sa responsabilité. Donc vu qu'il ne les lâche pas, une fois qu'il retourne à la Maison-Blanche, bah, il les gracie. Je suis complètement d'accord avec ça. Un vendeur de drogue, pardon. Non, mais Donald Trump a dit qu'il les lâcherait pas, il les a pas lâchés, et je suis d'accord avec Gauthier. Bravo Gauthier. Lucas est avec nous des Vosges. Salut Cyril, salut l'équipe. Merci d'être avec nous, Lucas. Bonjour. Écoutez Cyril, moi je suis aveugle et franchement j'aimerais être comme Benaïm, sourd. Non, vraiment. Je vous assure, j'en peux plus. Tous ces woke et tout, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Heureusement qu'il y a En Marche sur la tête pour se reposer un petit peu les oreilles l'après-midi. Mais c'est incroyable, en fait. OQTF, ça ne divise pas la France. OQTF, c'est quatre lettres et le O, ça veut dire obligation. En fait, vous aimez le foot, Cyril, oui, évidemment. Oui, j'aime bien. Bien sûr, oui. Si un joueur prend un carton rouge, on l'expulse. Il ne reste pas 30 minutes de plus dans le match. On est d'accord. Oui. Donc, il y a un moment. Il prend un carton rouge, mais on lui dit non, mais attends, tu vas sortir, mais peut-être à la deuxième mi-temps, mais c'est pas encore sûr. C'est ça. Voilà, tu casseras la deuxième jambe peut-être à la deuxième mi-temps, tu peux rester encore un petit peu. Enfin, il y a un vrai souci d'application, il y a un vrai souci de justice, et plutôt. Que d'entendre Monsieur Piolle, là, vous allez en parler aussi, mais qui dit cette phrase quand même extraordinaire. Il veut discuter avec les dealers, lui. Voilà, il veut discuter avec les dealers, il veut demander en français un référendum sur la dépénalisation du cannabis. Nous, en fait, on aimerait des référendums sur les choses qui nous concernent, sur l'immigration, sur comment finir nos fins de mois sans être à compter les euros près. C'est ça qui nous intéresse et on a vraiment une classe politique qui est mais déconnecté, mais incroyable quoi. C'est sûr. Il y a tout qui est hallucinant. Et puis alors après on a un complément d'enquête, on a service public qui en rajoute une couche. Bon, vous savez, dès que ça va pas fort, je me refais le complément d'enquête sur vous, Cyril, ça va mieux après. Merci Lucas, ça me fait plaisir. Collector cette émission. C'est collector. Vous savez que moi je l'ai vu qu'une fois en fait. La dernière fois j'étais avec des potes, on s'est dit on va peut-être se le refaire. C'est toujours un bonheur, mais il faut. C'est toujours un plaisir. Un plateau télé. Vous savez que ce qui est énorme, je vous dis la vérité, je vous jure que c'est vrai, vous savez que c'est le record historique, non pas que pour complément d'enquête, même pour cette case-là, le jeudi soir sur France 2, n'a jamais fait cette audience de toute l'histoire de France Télévisions. 3 millions, c'est énorme. 3 millions, plus de 3 millions. 3 c'est millions énorme. Et les replays, ça doit être hallucinant, non ? Ils sont arrivés à 4 ou 5 millions, je crois. Ah bah oui. Donc c'est le record historique pour cette case-là sur France 2. Et je leur avais dit en plus, vous savez que je leur avais dit en plus France 2, je leur avais dit, vous auriez dû le mettre en prime, parce que ça a fait deux fois plus que le prime. Je leur ai dit, il fallait le mettre à 20h50. Vous auriez dû produire. Ils sont cons, ils m'écoutent pas. Bah c'est oui. Décevant quand tout ils auraient vrai, fait 4 millions, rien. 4 millions et demi en prime. Il y avait rien. Bah oui, c'est con. Bah oui, mais bon, il y avait une promesse, quoi. Et c'était désormais parce que Olivier voulait des vrais dossiers et il était déçu. Des trucs, quoi. Il y avait une promesse de me faire chier. Vous savez, il n'y a pas grand chose à dire. Il y avait rien. Ah oui, on va dire quoi ? J'ai deux balles de ping-pong. Merci. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai, je fais rien. À part jouer au paddle, là, et bon, voilà. Allez écrire vos mémoires un jour. Et croiser Alexis Kohler. Exactement. Ah, Alexis Kohler. Voilà, vous en parlerez dans votre livre. Quel talent pour mettre le sujet sur la table. Lucas, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était un bonheur. Bah, Cyril, avec plaisir. Et honnêtement, ça me ferait extrêmement plaisir une fois de venir. Tu viens quand tu veux. Dans tes PMP ou dans l'émission, essayer un petit peu. Lucas, on va te caler tout de suite. On va te caler Cyril ou t'es quelqu'un à danser. Comme disait Philippe Laville. Alors, c'est vrai. On va te caler. Vous inquiétez pas, Lucas. On vous cale ça. On vous cale ça pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, Lucas, avec moi. C'est fait. Merci Lucas. Voilà. Merci, ah non, pas semaine prochaine. Je suis pas là. Non. Semaine d'après. Ah bon, je suis pas là. J'ai championnat de France de paddle par équipe. Strasbourg, on fait comment nous? Je suis pas là. Ouais, je suis pas la semaine prochaine. Je voulais le dire aux auditeurs. Semaine prochaine, j'ai pas les championnats. Toute la semaine prochaine. Non, je suis pas là. Bien sûr que je suis là. Je suis là toute la semaine prochaine. Bien sûr que je suis là. Sauf vendredi. Sauf vendredi. Vendredi. Et qui vous remplace vendredi? Patrick Fiori. Merci. Non, je sais pas encore. Non. Est-ce que c'est vous qui choisissez votre remplaçant à Europe 1? C'est Europe 1 qui choisit. Moi, je dis. Vous avez votre mot à dire ou pas? Je dis toujours oui. Je dis toujours oui car je suis pour que les gens s'amusent. Voilà. Non, mais je crois que c'est Mickaël. Mickaël Dorion. Mickaël Dorion, qui est très sympa. Vous avez remplacé pendant les fêtes. C'est un amour, Mickaël. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas Verdez. Non, c'est pas, ça sera tant que c'est pas Verdez. On a pensé à Thomas Guénolé. Merci. Merci, Lucas. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Cyril. Quel bonheur. Quel bonheur d'avoir des auditeurs comme ça, qui connaissent tout. Vous avez vu, ils connaissent tout. C'est incroyable. Alexis Colère. Donc, alors, je vous explique. Donc, j'étais au Parc des Princes. C'était pour le match PSG Manchester City. Je suis arrivé, bien entendu, à la fin de la première mi-temps. J'ai regardé 3 minutes de la première mi-temps. Et ensuite, il y a un endroit où tout le monde se retrouve. Tous les gens qui sont qui sont là parce que le carré. Voilà, c'est carré, un carré VIP. Ça s'appelle le carré. Bon, voilà. Les gens qui comptent. Non, c'est pas tout le monde compte. Les gens qui pèsent. Tout le monde compte. Mais là, c'est ça, moi, tout le monde compte, pèse. Oui, c'est vrai. Non, mais je vous dis. Et donc, il y avait Victor, là, le basketteur, là. Wembanyama. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Wembanyama. Merci. Il y avait beaucoup de lettres. Merci. Il y avait Victor, très sympa. Il y avait Teddy Riner. Il y avait des stars américaines. Il y avait Gabriel Braun-Pivet, très sympa. Il y avait Valérie Pécresse, que j'ai vu passer et repasser. Et même à un moment, elle a repassé. Non, très sympa, Valérie Pécresse, très gentille. Et à un moment, je vois Alexis Colère. Mmh. Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée. Et je parle rarement de lui. Mmh. Et bizarrement, l'après-midi, on avait dit qu'il partait de l'Élysée, qu'il y avait une rumeur comme quoi il partait. Et c'est vrai qu'on n'a pas été. On n'a pas été des guimauves. On a un peu bousculé quand même. On va pas se mentir, Gauthier Lebray. Je peux pas le souvenir. Oh, bah vous avez la mémoire. C'est amnésique alors. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marchait sur la tête. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. 7h-9h, Europe 1 matin. Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. La récession qui peut rendre inéluctable une crise financière et sociale dans le pays. Faut vraiment que le gouvernement nous entende et prenne des dispositions adéquates. Mais il faut du budget. Rien ne peut se faire sans le budget. L'urgent a été fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. Si on ne prend pas les mesures nécessaires, on a un risque de bascule dans un système irréversible. Europe 1, la radio libre. Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Alors à lundi, 7h-9h sur Europe 1. Cuir Center. Vous savez que Cuir Center fait des canapés en tissu. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que la nouvelle collection 2025 vient de sortir. C'est le moment idéal pour profiter de prix de lancement exceptionnels. Des canapés tissus à prix exceptionnels chez Cuir Center, maintenant vous savez. La nouvelle collection tissus, c'est jusqu'au 24 mars. Détails sur cuircenter.com. Ah ça ira, ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ah ça ira, nous ce qu'on veut, c'est des prix bas. Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix à couper. Le souffle sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France. Des journées comme ça, on attendait que ça. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants. Pensez à covoiturer. À tous ceux qui se demandent qui a créé les prénoms et pourquoi Rose, c'est un prénom, par exemple, alors que Rhododendron, ça marche pas. À ceux qui ont un prénom de caillou, comme Agathe, Ambre, Jade ou Pierre. Et à tous ceux-là qui, du coup, ne comprennent pas pourquoi on peut s'appeler Clémentine, mais pas Mandarine, alors que c'est super mignon, Mandarine. Jusqu'à samedi, Intermarché propose les mandarines à seulement 1,65€ le kilo. Et tous les week-ends, vous avez en plus 10% en avantage carte sur tout le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Tango ou Nadercote, calibre 1 et ou 2, catégorie 1, origine Espagne ou Maroc, selon approvisionnement. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot i208 100% électrique. Là, vous pensez, pas mal. Mais si en plus, je vous dis que c'est vous qui pourriez être à son volant, pour 24 000 € seulement, et en payant chaque kilomètre 3 fois moins cher qu'avec une version essence, là, vous pensez que c'est LE moment de passer à l'électrique. Exemple pour l'achat d'une Peugeot i208 style neuve hors option. Bonus écologique de 4 000 € déduits et 8 ans de garantie à l'URCAR inclus. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils les ont à 1,89€. Les avocats? Eh oui, en ce moment chez Lidl, le filet de 3 avocats est à 1,89€. Quoi? 63 centimes l'avocat pour le lot de 3. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Ah bah, c'est l'avocat Sion de Lidl, non? Avec des avocats à ce prix-là. Il n'y a plus de justice, oui. Et on est juste mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur lidl.fr. On marche sur la tête et de retour dans un instant sur Europe 1. Continuez à nous appeler au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. On vous attend. Comme vous, chez Orange, on aime bien quand... Ah ouais, ça change. Mais on aime bien aussi quand on nous dit « Mais t'as pas changé ». Alors jusqu'au 4 février max, avec le code promo 25, la série spéciale mobile 120Go 5G est à 14,99€ par mois. Un prix qui n'est pas prêt de changer. Ok, ça change tout. Orange est là. Offre valable pour clients Internet en France métropolitaine. Code promo utilisable une fois jusqu'au 4 février pour les nouvelles souscriptions. 5G avec terminal compatible dans les zones couvertes. Conditions détaillées sur orange.fr. Chez Jardiland, du 23 au 26 janvier, profitez de moins 40% sur le deuxième sac de croquettes ou pâté pour chien ou chat. Oui, oui, moins 40% sur le deuxième pour deux fois plus de plaisir. C'est le moment de faire de la place dans la gamelle. Jardiland, cultivez votre bien-être. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de faire des réductions pour les moments qui comptent, comme la Chandeleur. Jusqu'au 2 février, par exemple, la pâte à tartiner cacao noisette Nocciolata est à 2,63€ au lieu de 3,99€. 34% de réduction? Ça tombe pile dans la poêle. Auchan, le choix, le bon. Peau de 325 grammes, soit 8,09€ le kilo, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus. Élection des chambres d'agriculture, chaque voix compte. En janvier, le monde agricole fait entendre sa voix. Exploitants, salariés, retraités, propriétaires, membres d'un groupement, c'est à vous d'élire vos représentants. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Vous aussi, votez pour l'agriculture. Rendez-vous sur jevote2025.chambre-agriculture.fr. À l'occasion du Grand Prix d'Amérique, dimanche à Vincennes, Le Vénard, le quotidien hippique, champion de France des pronostics, sort aujourd'hui une édition spéciale, indispensable pour gagner. Avec le journal Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. Comme par exemple 750 ml de gel WC en bipur pour seulement 1,69€. Quoi? C'est vraiment pas cher. Ou encore un oreiller en microfibre Confibeds pour seulement 3,99€. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Bonjour. Vous connaissez le dicton? On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot, leader de l'électrique et également disponible en thermique. Avec ses 20 systèmes d'aide à la conduite et sa modularité exceptionnelle, vous ferez à coup sûr à vos clients une deuxième bonne impression. En ce moment, profitez de jusqu'à 10 000 euros d'avantages clients sur nos utilitaires. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars. Conditions sur Peugeot.fr. Source 3A. Oh Il est 17h sur Europe 1, c'est le Flash avec Émilie Dès. Bonjour à tous. Il n'y a pas de droit automatique et général à la régularisation, insiste Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur dit vouloir envoyer un message d'autorité et de fermeté en matière d'immigration. Il a annoncé ce matin sur Europe 1 et CNews l'application dès aujourd'hui d'une nouvelle circulaire déjà envoyée au préfet. Elle préconise au moins 7 ans de présence en France pour être régularisée au lieu de 5 actuellement. Bruno Retailleau qui a également annoncé une prochaine circulaire sur les naturalisations avec le même objectif de lutter contre l'immigration illégale. Notez que le député RN de l'Oise, Philippe Ballard, sera l'invité de Lénaïque Monnier demain à 8h10 sur Europe 1. 7 personnes vont être présentées à un juge pour une éventuelle mise en examen. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration après le kidnapping du cofondateur d'une société spécialisée dans la crypto-monnaie, enlevé avec son épouse mardi matin dans le Cher. Le couple a depuis été libéré par le GIGN. 10 personnes étaient en garde à vue. C'était en août 2020. Amandine, 13 ans, mourait de faim, privée de nourriture depuis des semaines. Elle ne pesait plus que 28 kilos pour 1,55 m. La réclusion criminelle à perpétuité perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans a été requise contre sa mère, une mère décrite comme violente, manipulatrice, menteuse et vénale. 18 ans de réclusion ont également été requis à l'encontre de son ancien compagnon. Le verdict est attendu dans la journée. Raphaël Glucksmann appelle à une clarification des relations entre le PS et la France insoumise. Arrêtons l'hypocrisie. Notre vision du monde, nos principes ne sont pas les mêmes, assure le député européen. Hier, l'eurodéputé Rima Hassan a voté contre une résolution du Parlement européen qui demande la libération de l'écrivain Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre. C'est inhumain, politiquement scandaleux, s'est indigné le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 4 nouvelles otages israéliennes vont être libérées demain dans le cadre du cessez-le-feu signé entre Israël et le Hamas. Le groupe terroriste a dévoilé leur nom aujourd'hui. Il restera donc encore 26 otages libérables. La première phase de la trêve qui a débuté dimanche dernier est censée permettre la libération de 33 personnes retenues à Gaza. Le Morbihan est en vigilance orange, pluie et inondation à l'approche de la tempête Eowyn, tempête qui a généré des vents d'une force inédite en Irlande à 183 km/h sur la côte ouest du pays. Plus de 800 000 foyers sont privés d'électricité, les écoles sont fermées, les trains et les bus ne circulent pas. Plus d'une centaine de vols ont été annulés au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Dublin. Et puis Sinner, Zverev, c'est l'affiche de la finale de l'Open d'Australie qui se jouera dimanche, le numéro 1 face au numéro 2 mondial. Blessé à la cuisse gauche, Novak Djokovic a jeté l'éponge en demi-finale face à Alexander Zverev. Europe 1. 17h03 sur Europe 1. Quelle tristesse. Ouais. J'étais triste. Enfin, j'ai dit Zverev qui gagne le tournoi. Donc, pour l'instant, je suis encore donc dans la course. Donc, il fallait de toute façon qu'il passe. Mais ça va être très dur contre Sinner. Ça va être dur, mais j'y crois. Mais moi, j'étais pour Djoko. Moi, je suis à fond de Djoko. Ouais, voilà, merci. Vous avez regardé les matchs ou vous en fichez totalement? Aucun des deux. J'aime bien le tennis, mais j'ai pas regardé. Merci, salut. Allez, il est 17h03 sur Europe 1, si on marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 avec Olivier Dartigol, avec Gauthier Lebré, avec Géraldine Maillet et avec Fabienne Lecoeuvre. Présent. Bonjour, Fabien. Bonjour Cyril. Comment allez-vous? Ben, je suis en pleine forme. Ça va? En ce 24 janvier. Eh oui, c'est le 24 janvier, exactement. Alors, est-ce qu'il y a des infos un petit peu là? Eh ben, il y a un anniversaire en ce 24 janvier, puisque le 24 janvier 1994. Ben, heureusement qu'il y a des anniversaires. Donc, c'est le 31e anniversaire de la sortie de une des premiers succès de Céline Dion. Quand je m'endors. Oui, alors? Oui, et si l'amour existe encore. Oui, et vous vous souvenez de cette chanson? Oui, mais et alors? Alors, je vais vous raconter. Parce qu'au départ, ça n'a pas été écrit pour Céline Dion, cette chanson. C'était écrit pour en fait, Luc Plamondon a écrit le texte, au départ, en 1986, avec Richard Cocciante, pour Fabienne Thibault, qui l'a refusé. Ça parlait du sida à l'époque, évidemment. Puis Johnny Hallyday l'a refusé. Ah ouais. Il a dit non, c'est pas pour moi cette chanson, c'est trop triste, et ben ça, etc. Bon, ils l'ont pas voulu. Il l'a remis dans son cartable. Il l'a laissé. Il l'a remis. Il a remis la chanson dans son cartable. Et il l'a proposé finalement. C'est l'info que je retiens. Le gars avait un cartable. Eh ben oui, Luc Plamondon, il a un petit cahier et un cartable. C'est comme ça qu'il écrit ses chansons. Bravo à lui. Et en 1992, il la propose enfin à Céline Dion. Ça lui plaît pas vraiment. Il lui supplie. Il est canadien. Il lui dit, je t'en supplie. Essaye, je voudrais que tu chantes une voix sur ce titre. Elle l'a fait. La maman de Céline Dion dans la cuisine, elle entend la chanson de sa fille, elle sort de la cuisine avec le tablier, elle dit mais c'est ta plus belle chanson. Non. Et elle l'enregistre. Et voilà comment une chanson qui des fois n'arrive pas à sortir, elle est dans un placard, personne n'en veut, et des grands artistes, soit Fabienne Thibault ou Johnny Hallyday, on leur propose. Et ils apprennent pas. Incroyable. C'est la chair de poule. Ah bon, franchement. Voilà. Et j'ai la poule de chair. Jamais que Luc Plamondon, quand il écrit une chanson, il marche toujours. Ah non, mais c'est incroyable. Vous savez, Victor Hugo écrivait debout. Ah ouais. Il a jamais écrit assis, Victor Hugo. Vous toujours écrivez debout. Quand même. Et Luc Plamondon, il écrit en marchant. Ah ouais. C'est comme ça. Chacun. Excusez-moi, on peut dire à Céline Dion d'aller chanter à côté là. Non, on l'adore, hein. Mais j'adore Céline Dion. Moi, je suis fan absolu. Alors, oui. Alors, j'ai une autre histoire à vous raconter parce que le 29 janvier prochain va sortir au cinéma Un parfait inconnu. Vous savez, c'est Timothée Chalamet qui va jouer le rôle de Bob Dylan. Bob Dylan. C'est un film qui est très attendu. C'est un biopic très attendu. Vous avez déjà vu. Je l'ai vu. C'est vachement bien. Qui est bien. Ouais. Oh, la vie de Dylan, c'est exceptionnel. Ah ouais. Mais dedans, il y a une histoire inconnue, une histoire secrète en France entre Bob Dylan et Françoise Hardy. Non. Vous savez que Françoise Hardy a toujours été une égérie pour l'Angleterre, que ce soit Mick Jagger qui était toujours fou amoureux d'elle. Comme il ne s'est jamais rien passé d'ailleurs. Comme Tom. Oui. Il n'en est pas du tout question dans le film. Non, du tout, bien sûr, bien sûr. Non. De quoi François Hardy n'en est pas du tout question. Mais je raconte ce qui n'est pas dans le film. Parce que ça restait une égérie, François Hardy. Ça a été une égérie incroyable, Françoise. Tout le monde est amoureux d'elle, tout le monde. C'est dans le film? Non, c'est pas dans le film, bien sûr. Je ne l'ai pas vu, je vais y aller la semaine prochaine. Eh bien, il y avait eu un crush quand même entre Bob Dylan et Françoise Hardy. Parce que la première fois que Dylan a chanté en France, en mai 1966, c'était à l'Olympia. Lorsqu'il est monté sur scène, la première partie se termine, et il dit « Je ne remonte pas sur scène si je n'ai pas Françoise Hardy dans ma loge ». Donc, elle était bien sûr dans la salle, au cinquième rang. Elle a dû aller en coulisses de l'Olympia, rencontrer Bob Dylan, parce qu'il refusait de faire la deuxième partie du spectacle. Et il lui a dit, viens me voir à l'hôtel Georges V où je serai ce soir et dans ma suite. Je voudrais absolument te voir. Non. Elle dit, je suis embêtée. Elle n'avait pas encore rencontré Dutronc. Elle le connaissait, mais c'est pas encore son petit ami à l'époque. Elle se pointe au Georges V. Elle arrive dans la chambre. Il lui fait écouter deux chansons qu'il a composées pour elle sans jamais avoir eu une histoire d'amour avec elle. Non, en tout cas, aller jusqu'au bout. Et il lui a écrit I Want You, un des plus gros succès de Dylan, et puis Just Like a Woman. C'est deux plus gros succès de sa carrière. Pour Françoise Hardy. Non, c'est pas vrai. Voilà ce qu'on ne sait pas, bien sûr. Je trouve que c'est... Vous voyez, elle a toujours été très pudique, très discrète, Françoise. Elle n'a jamais raconté cette histoire. C'est fou. Mais je voulais vous raconter aujourd'hui. Bah, franchement, on ne savait pas. Ouais, moi, je ne le savais pas. Ta-ta-ta. Merci, ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien à voir. Merci, mais ils sont fous ici. Ah oui. Vous voulez autre chose? Bah oui. Qu'est-ce que je dois vous raconter? Laetitia Hallyday ou Maëlie? Ah oui, Laetitia Hallyday, bien sûr, Laetitia, parce que enfin, elle a pu aller voir, hélas, comme beaucoup d'habitants de Los Angeles, les ruines de sa maison. Enfin, les cendres, en tout cas. Et elle est allée voir le coffre-fort. Elle a trouvé le coffre-fort, quand même. C'est le seul truc qui brûle pas, c'est le coffre-fort. Enfin, il chauffe tellement que tout ce qu'il y avait dans le coffre, il y avait ses papiers, avec ses papiers, puisqu'elle a la nationalité américaine, Laetitia. Tout ça avait brûlé, évidemment, les passeports, tout ce qu'il y avait dans le coffre, etc. Ah, c'est quand même un problème. Et puis, elle a retrouvé ses bijoux, quand même, parce que ça a chauffé fort le coffre. Mais les bijoux sont restés bijoux, les pierres précieuses et tout ça, ça bouge pas. Donc elle a réussi enfin à ouvrir son coffre. Et tous les gens qui reviennent voir leur maison, la seule chose qui a pratiquement pas brûlé, c'est tous les poutres en acier ou les coffres-forts qu'on a pu retrouver dans les gravats. Donc elle est heureuse. Mais les deux voitures qu'elle avait, elles sont complètement calcinées. Enfin, toutes les affaires de Johnny, le bureau, les affaires, les agendas, les disques d'or, les photos préférées. C'est dur, je trouve. Toute une vieille Johnny. C'est bouleversant, attention, ça c'est terrible, parce que ça, vous pouvez avoir toutes les assurances, vous ne retrouverez jamais du sentiment comme une photo ou un objet peut vous témoigner. Moi, j'ai jamais eu de coffre. Vous avez déjà eu un coffre-fort, Cyril? Non. Coffre-fort, j'ai rien à mettre dedans. Moi non plus. Une salle forte, vous avez vu, non? Une pièce. Ça va être vite fait. Non. Attention, attention de ne pas vous retrouver dans la chambre froide. Attention. Je vous le dis comme je le pense. Merci. Exactement. Il est 17h09 sur Europe 1. Allez, on va parler dans un instant d'Éric Piolle. Éric Piolle, maire de Grenoble, qui veut trouver un moyen de vivre avec les dealers de sa ville. Il veut un modus vivendi. Qui les mettent dans son jardin. Exactement. Bruno Retailleau lui a répondu. Ils fumeront l'herbe du jardin d'Éric. On va dire ce qu'a répondu Bruno Retailleau dans un instant. 01 80 20 39 21. Il y a Mathieu, tiens, qui veut réagir sur les OQTF et il veut parler à Olivier d'Artigol. Et puis il y a des gens qui me disent, alors avec Alexis Collère, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas su. Juste après, à tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites 2025, c'est l'année du serpent de bois. Eh bien, pour fêter comme il se doit le nouvel an chinois, pour deux produits Suzy One achetés, le troisième est offert. Et c'est valable sur tout Suzy One. Et c'est jusqu'au 3 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détaillez magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Jusqu'au 30 janvier, vivez et écoutez toute la magie du rendez-vous Air France. Wow. Hey, taxi. Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple New York, à partir de 419 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 3 mars au 6 avril et du 28 avril au 18 mai 2025. Passer une bonne année, c'est savoir saisir les bonnes opportunités. Jusqu'au 31 janvier chez Ford, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Comme le nouveau Puma hybride et connecté à partir de 169 € par mois. Ford. Exemple pour un Puma Titanium hybride 125 chevaux LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer de 3 990 €. Offre à particulier jusqu'au 31 janvier sur véhicule en stock si acceptation par Prémanilis SAS. Voir détails sur Ford.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11 sur Europe 1, on est en direct. Merci d'être avec nous, merci d'être là et merci d'être aussi fidèle à ce rendez-vous, bien entendu, dont marche sur la tête. Alors, on va parler d'Éric Piolle. Éric Piolle, maire de Grenoble, qui veut trouver un moyen de vivre avec les dealers de sa ville. Bruno Retailleau lui répond que la place des narco-racailles, c'est la prison. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus, s'il vous plaît? C'est moi qui dois faire le point. Oui, bien sûr, bah oui, qui voulait que ce soit. Éric Piolle a donc fait une interview hier matin sur le service public, dans laquelle il dit deux choses. Un, qu'il veut un référendum, effectivement, sur la légalisation, ou plutôt la dépénalisation du cannabis. C'est pas le plus important de son interview, parce que ça, c'est une vieille rengaine chez les écolos. Non, c'est sa déclaration sur le vivre ensemble avec les dealers. Il a dit qu'il voulait un modus vivendi avec les dealers, qu'on apprenne à vivre avec les dealers, qu'on accepte le dealer en bas de chez soi et oui, qu'on l'invite à prendre un petit verre. Voilà, qu'on lui dise bonjour en partant bien travailler, sûr, ça, oui. qu'on comprenne que c'est souvent des mineurs et qu'ils n'ont pas des situations familiales très faciles. Voilà, qu'on ait un mot de tendresse pour le dealer en bas de chez soi, finalement, un regard, un geste, un signe d'affection. Et donc Bruno Retailleau lui a répondu parce que c'est arrivé le jour où Gérald Darmanin a annoncé, vous savez, sa prison renforcée qui doit voir le jour en juillet où les 100 plus gros narcos du pays seront enfermés. Et donc d'un côté, vous avez un ministre de la Justice et un ministre de l'Intérieur qui tapent fort, et de l'autre, vous avez un maire écolo de Grenoble qui dit qu'il faut apprendre à vivre avec les dealers. Et effectivement, Bruno Retailleau a répondu, le seul modus vivendi acceptable avec les narco-racailles, c'est là. Prison, deux Exactement. Salles, deux Bravo. Ambiances. Bravo, je suis assez d'accord avec lui. Hein. Olivier d'Artigol, viens. Moi, je ne suis pas favorable ni à la dépénalisation, ni à la légalisation. Bon, c'est un débat qui traverse certains partis politiques. C'est vrai que Europe Écologie Les Verts est à fond sur même dépénalisation pour un certain cas d'entre vous, légalisation ça va, pour d'autres. Excusez-moi juste, la question qui brûle l'élève de tout le monde. Oui. Ça va, vous? Oui. Je pense aux auditeurs. Est-ce que ça va? Oui, je pense que oui. Parce que là, tout reste connecté, fin de semaine que, peut-être. Parce que... J'accélère. Non, Reste que notre politique public actuel concernant le narcotrafic est en échec. Mais là, on parlait surtout du vivre ensemble des rituels avec... Oui, bien sûr. Est-ce que tu fais un signe dealer? Je ne veux pas vivre ensemble avec les narcotrafiquants. Ça, non. Ouais, mais je suis assez d'accord avec Olivier. Personne, d'ailleurs. Presque personne. Après, narco-racaille, on a le droit de trouver ce terme extraordinaire en termes de communication. J'adore narco-racaille. Il y a encore 10 ans, on aurait dit, on n'a pas le droit d'utiliser racaille, mon Dieu, c'est discriminant. Voilà, on pointe du doigt, on discrimine, mais quelle horreur. Non, mais c'est pourquoi t'es encore macroniste, toi, punaise? Moi, je suis toujours macroniste. Mais c'est dingue. Mais narco-racaille. Encore? Mais oui. Je serai la dernière. Tu parles absolument pas comme une macroniste. Jusqu'au dernier jour. Oui, voilà, exactement, jusqu'au dernier jour. Emmanuel Macron aime beaucoup Bruno Retailleau. Oui, mais bon. Il aime bien. Alors, vous avez vu que. Il aime bien, il lui fait confiance. Oui, bah, très bien. Il aime bien, je vous le dis, il aime bien. Oui, mais il devrait plutôt l'écouter et mettre un moyen de pression sur l'Algérie. Il aime bien, je vous dis qu'il aime seulement bien l'aimer. Il aime bien Bruno Retailleau, ça Mais François Bayrou aussi, là. Quoi? François Bayrou aussi, il est content d'avoir Retailleau son équipe gouvernementale. Tous contents, mais ils sont tous mous comme de la guimauve par rapport à Bruno Retailleau. Qui a dit ça? Votre préféré. Oui. Non, mais qui a dit ça? Le premier qui a parlé des grosses guimauves? Oui. Possible que ce soit le présentateur de cette émission. Ouais. Oh là là, mais c'est pas possible. Ah ouais. Mais qu'il est drôle. Oh, j'adore. Gauthier Lebret. Encore mal de 16 à 18h sur Europe 1. Merci. Allez, y a Mathieu. La plus grosse progression de la vidéo confondue. Le pire dans ce que dit Piolle, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, c'est le fait qu'il victimise les dealers. C'est-à-dire, en fait, les pauvres, s'ils sont dealers, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance, c'est parce qu'ils sont esselés. Et je trouve que c'est aussi une insulte à des gens qui se débrouillent pour élever bien leurs enfants dans des conditions difficiles, de pauvreté, de précarité. Oui, parce que globalement, moi, en bas de mon immeuble, on ne deal pas. Donc, je ne suis pas concernée. Donc, je regarde ça avec un peu beaucoup de dédain et tout ça. Mais non, en fait, les plus défavorisés, les plus précaires, eux, ils sont concernés par ça. Et je trouve que ceux qui élèvent bien leurs enfants, justement, eh ben, en disant ça, on leur dit en gros, bah, vous n'avez aucun mérite. Et je trouve que c'est extrêmement dégradant. Je suis complètement d'accord avec Yannick. Puis c'est toujours la prime à la délinquance avec ces gens-là. Vous avez vu que le garde des Sceaux, M. Darmanin, a fait quelque chose de très important. Ouais. Il s'est déplacé Dubaï, un autre pays, Gauthier. Il est dans les Émirats Arabes Unis. Excusez-moi. La question qui brûle les lèvres de tous les auditeurs et de toute l'équipe, comment ça va? Non, mais Valérie, il manque trop. Et là, je termine. Non, mais pour une direct, fois, un garde des Sceaux va poser la question des coopérations judiciaires avec des pays où les narcotrafiquants organisent le blanchiment de l'argent. C'est très important, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut enlever le minibar Olivier d'Artigolle, merci. Merci, hein, ce serait important. Mathieu est avec nous. Tiens, il veut parler à d'Artigolle. Ah oui, je ne suis pas très en forme. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous Mathieu, des Hautes-Loire. Merci. Ça va, oui, c'est la c'est le reste. Merci d'être avec nous Mathieu, vous vouliez réagir à Olivier d'Artigolle sur les OQTF, je crois. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, écoutez, je suis un fidèle maintenant auditeur d'Europan. Merci Mathieu. RTL, et puis je regarde... les chaînes de TF1 et de CNews. Donc, je suis un fidèle auditeur d'Europe 1 et de CNews. Très bien. Europe 1, CNews, RTL, c'est vos trois médias. Très bien. Je vois des gens sensés qui n'ont pas peur de débattre et qui disent des choses vraies. Bah, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et Louis, je voulais dire que M. d'Artigolle, c'est un gentil garçon, mais c'est un rêveur. Ah oui, il est resté. M. d'Artigolle, oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est quand même fréquentable, bien qu'il soit encore... Alors, moi, je voulais intervenir aussi, bon, on parle des OQTF, vous avez traité le problème. C'est vrai que les OQTF, il y en a moins, mais non, il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en moins, il y en aura de plus en plus. On est submergé par des gens qui fuient la famine, qui fuient des choses peut-être... Ils ne sont pas tous des réfugiés politiques. Et je voulais dire aussi, je voulais intervenir, j'ai écouté, donc on vous l'avez fait le tour des OQTF, tout ça. Je voulais parler à M. d'Artigolle, il y a quelques jours, Pascal Faux. On va déjà mettre en place quelque chose. Attendez, Mathieu, vous voulez parler à Olivier d'Artigolle, hein, c'est ça? Oui, voilà. Vous voulez parler à M. d'Artigolle? Je vous passe M. d'Artigolle. Mathieu, attendez, je vous demande juste à qui il veut parler, s'il vous plaît, calmez-vous. Il ne veut pas m'entendre. Vous voulez parler à qui, Mathieu? Vous voulez parler à qui? À M. d'Artigolle. Mathieu, donc c'est Olivier d'Artigolle. C'est un nom du Sud-Ouest, mais c'est vrai que des fois. D'Artigolle. Non, mais c'est bon, avançons. Il y a Cyril qui est sur moi, là, qui est sur mes flancs. Là. Allez-y, d'Artigolle. Voilà, c'est Pascal Pro qui avait un débat avec M. Desfontaines. Ah oui, j'ai entendu. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. M. Desfontaines. Vous avez bon les partis communistes à des millions de morts sur les mains. Vous avez il y a eu des massacres, des goulags, des camps de concentration, des révoltes qui ont été matées sévèrement. Et Monsieur Desfontaines a dit oui, mais nous ne sommes plus dans cette pensée-là. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander... Comme les catholiques ne sont plus dans l'Inquisition, ne sont plus dans la Saint-Barthélemy. Voilà. Et pourquoi voulez-vous que les gens du Rassemblement National ne puissent pas avoir changé? Ou les traiter de fascistes? Vos collègues. Vous savez, j'ai plus d'amis, moi. Il y a quelque temps... oui, des amis. Vous avez dit, il y a quelque temps, moi, j'irai pas voir... un événement géré par le Rassemblement National, c'est votre droit. Ah oui. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas le droit aussi à ne plus être de la pensée de ces années-là? Oh, ben ils y arrivent, non, petit à petit. À la gauche, on leur accorde le droit de l'oubli. Vous reconnaissez bien que Staline a commis des meurtres immondes. Moi, j'appelle tous les responsables de gauche à arrêter la fausse riposte concernant le Rassemblement National sur le combat antifasciste qu'ils mènent depuis des années sans un succès véritable pour aller sur un type de riposte beaucoup plus efficace sur, par exemple, ce qui me semble quelques folies sur le programme macroéconomique du Rassemblement National, sur ce qu'ils ont dit concernant les binationaux, la préférence nationale, etc. Je pense qu'il faut aller sur un terrain beaucoup plus sérieux que la posture antifasciste. Je suis d'accord avec vous sur ce côté-là. Mmh. Mais ce que je vous dis par là, c'est que ce qu'on oublie d'un côté, on peut l'oublier de l'autre. Mmh. Le passé, par exemple, vous, votre passé stalinien. Et moi plus... Oui, bon, on peut l'oublier assez rapidement. Vous faites plus partie du clan du tonton Joseph. Mmh. Alors, non, mais non, il est mort en 53. On fait plus partie de l'oncle Adolphe. Mais d'accord, oui, je comprends votre idée. Je n'ai pas compris. Oui, oui, je comprends votre idée. Voilà. Bon, mais sinon, vous faites quoi ce week-end? Il est pas mal, le Dartigol. Merci Mathieu d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vais passer un bon week-end. Bon, super. J'ai une question pour Olivier. Attendez, on dit au revoir à Mathieu d'abord. Bien sûr. Mathieu, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Tout plaisir est pour moi et continuez comme ça. Bah, je vous embrasse fort. Je vous écoute avec beaucoup de d'amitié et tout ça. Merci Mathieu. Ça nous fait bien plaisir. Ce que vous dites est vraiment sensé. Vous êtes là. Au moins pour défendre une cause qui me semble juste. Merci. On essaye, Mathieu. Je ne suis pas spécialement du côté du Front National. Je suis un gaulliste fervent depuis la première année. Je manifestais pour le retour du général de Gaulle. Voilà. Merci, Mathieu, et on embrasse Olivier Dartigol de votre part. Merci, Mathieu, d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Tu sais que j'ai horreur qu'on écorche mon nom de famille. Hein. C'est une souffrance absolue pour moi. Ça. Qui l'a écorché? Non, personne. Pas comment? Dartigol, non? Il me semble. C'est Dartigol. Dartigol. Allez, avançons. Dartigol. Non, mais de la même manière qu'on n'a pas tout l'histoire de Alexis Kohler et vous, je voulais savoir si Olivier, vous aviez une relation épistolaire avec François Bayrou régulièrement encore. Sans trahir un secret d'État, bien sûr. Bien sûr. On échange. D'accord, donc même s'il est Premier ministre, il continue à vous écrire, vous avez une relation normale, un peu comme avant qu'il soit aux affaires ou mais pas? On n'a plus de relation politique. Donc le fait de ne plus avoir de relation politique, ça bascule dans une relation plus amicale. Personnelle. D'accord. Ah ouais, sympa ça. Donc vous ne parlez pas du tout de... Ce qui permet d'avoir une... Ah si, on parle beaucoup de politique, par contre. D'accord. Mais on n'a plus de... Je ne suis plus dans le jeu politique, moi. D'accord. Plus okay. du tout. Ouais. Donc ça a changé la nature de la relation. Et donc vous continuez à parler de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il décide et tout ça. Bah lui, il continue à parler, quoi qu'il arrive. On a un échange, oui. Ok. On discute. Parle encore, il bouge régulier. Encore. Il a l'air gêné par ma question. Ouais, je sais pas. Non, oui, de temps en temps, oui. Bon bah... Merci. On va vous laisser continuer votre sieste, Olivier Dartigol. Laissez-le continuer sa sieste gentiment. Je les ai, 42 minutes, je les ai. Il est 17h23, bien entendu, sur Europe 1. Alors donc, j'ai vu Alexis Kohler. Vraiment là, on veut savoir. Secrétaire général de l'Élysée. Oui. Je l'ai croisé au Parc des Princes. Il est passé une première fois. Il était seul? Il était seul. Je crois qu'il était seul. Et puis, il discutait un moment avec Valoche. Okay. Valérie Pécresse. Valérie Benaïm, elle va pas aller au stade, elle entend rien. Pour l'instant. Elle vive voix. Comprenez quoi? Mais non, mais la pauvre, pour l'instant, il faut qu'elle ne peut pas avoir trop de bruit dans son oreille. Oui, c'est très compliqué. J'ai voulu l'amener au bowling la semaine dernière. Je peux vous dire, non, ça a été compliqué. Alexis Kohler, il paraît qu'il est un peu froid en premier contact. Je vais vous dire, au premier contact, il est froid. Non, mais en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que je l'ai vu. Il m'a vu, on s'est vu. On s'est vu. Pense qu'il a su Gauthier Lebret, ce qu'il s'était dit, je pense, l'après-midi. En tout cas, l'extrait où moi je dis que si il part, il n'y aura plus qu'une personne qui aura fait les 7 ans autour d'Emmanuel Macron, à savoir Bruno Roger Petit. Cet extrait a été vu, je le sais, oui. Alors, il m'a écrit depuis le palais pour me dire non, il y en a un autre, c'est le directeur de cabinet de Brigitte Macron. Très sympa. Avec Brigitte Macron, très sympa. Il est plus avec Emmanuel Macron. Il est très sympa d'ailleurs, le directeur de cabinet de Brigitte Macron. Brigitte, ouais. Très, très il bien. S'appelle. Très bien. Il est super. Oh, bah, on en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Et là, ça va être la fin en rodol des sujets. Hein. 01 80 20 39 21. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Bonjour, c'est Pascal Praud. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Oui, bonjour Pascal. Je suis exaspéré par les gens qui ne répondent pas à leur mission de nous défendre et de nous protéger. C'est ça notre problème qu'on a aujourd'hui en France. On est mou, on n'a pas de fermeté. Europe 1, la radio libre. Pascal Praud et vous. À lundi, de 11h à 13h sur Europe 1, je compte sur vous. Ah, la nouvelle année, les projets. Avoir une voiture qui démarre quand on la démarre ou une deuxième salle de bain pour arrêter de courir le matin. Mais ça tombe pas du ciel, c'est ça? Oui, voilà, oui. Ça tombe bien. Du 6 janvier au 2 mars 2025 inclus, profitez de notre offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels. Auto, travaux ou projets. Pour en savoir plus, rendez-vous en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, citoyenne. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Grand frais. Oui, pour faire la visite guidée du château demain. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent des tranches de chiffonade parfaites pour les raclettes. Mais improvisées, le roi Philippe machin et son château de 1300 je sais pas quoi. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, la planche de 65 tranches dont 10 offertes est à 11,97€ les 320 grammes. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais. Le meilleur marché. 37,41€ le kilo au lieu de 44,22€. Jambon cru, Copa, saucisson et speck, élaboré en Italie, selon stock disponible. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. Comme par exemple 750 ml de gel WC en bipur pour seulement 1,69€. Quoi ? C'est vraiment pas cher ! Ou encore un oreiller en microfibre ConfiBeds pour seulement 3,99€. Attends, il y a tout ça chez Action ? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Carrefour. Quand vous me dites une viande bien tendre pour ce week-end, vous avez ? Eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est le faux filet 3 étoiles à griller Origine France à 11,99€ le kilo. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Caissette de 800 grammes environ, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. En ce moment chez Citroën, pour la gamme utilitaire électrique, c'est l'opération l'essayer c'est... Je prends. Non, l'essayer c'est... C'est bon, je suis convaincu. Non, l'essayer c'est... Je repars avec. Ah bah moi aussi. Hein. C'est l'opération l'essayer, c'est l'adopter. Ah, c'est ça. Pas compliqué. Sur nos utilitaires électriques disponibles immédiatement jusqu'à 10 700€ hors taxes avantage client. Alors un berlingot pour moi. Doré Jumpy par ici. On se calme, il y en aura pour... Citroën. Remise sur le prix d'un utilitaire Citroën e-jumper des 56 400€ hors taxe. Offre professionnelle non cumulable pour toute commande passée avant le 28 février 2025. Détails sur citroën.fr. Quelle couleur ? On revient dans un instant sur Europe 1 et vous le savez, on est ensemble jusqu'à 18h. Ah ça ira, ça ira, ça ira, chez Citroën nous on ira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas. Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix à couper. Le souffle, sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France. Des journées comme ça, on attendait que ça. On attendait que ça. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux. Et s'il suffisait de pousser la porte pour bien l'entendre ? Eh oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. À tous ceux qui prennent le petit-déj façon... Ma vie c'est comme la confiture. Y'a qu'avec toi que je veux partager. J'suis la même sous. C'est totalement 80 chez Intermarché. 80% de vos achats sont remboursés en deux bons d'achat sur tout le rayon pâte à tartiner et confiture. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 janvier, réservé aux porteurs de la carte de fidélité des 15€ d'achat et dans la limite de 25€ d'achat. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour. Vous connaissez le dicton ? On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot, leader de l'électrique et également disponible en thermique. Avec ses 20 systèmes d'aide à la conduite et sa modularité exceptionnelle, vous ferez à coup sûr à vos clients une deuxième bonne impression. En ce moment, profitez de jusqu'à 10 000€ d'avantages clients sur nos utilitaires. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars. Conditions sur Peugeot.fr. Source 3A. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 2,49€. Les pommes Golden Delicious ? Eh oui, en ce moment, ils font le sachet de 2 kg de pommes Golden Delicious à 2,49€. Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 20%. 1,99€ le sachet de 2 kg avec Lidl Plus. Pour nous, c'est vraiment pas de la tarte. Bah, c'est encore pour notre pomme, oui. Lidl est vraiment le moins cher. Et vous le prouvez sur lidlestmoinscher.fr. 1,25€ le kilo et 1€ avec Lidl Plus, catégorie 1, variété Golden Delicious, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Europe 1, le journal permanent. Il est 17h30 sur Europe 1, c'est le journal permanent avec Émilie Dès. La mère d'Amandine, cette enfant de 13 ans morte affamée en août 2020, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans. La mère de famille, jugée pour acte de torture et de barbarie, ne fera pas appel, annonce son avocat. L'ancien compagnon de la mère a été condamné à 20 ans de prison. 7 personnes vont être présentées à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans le kidnapping et la séquestration du cofondateur d'une société spécialisée spécialisé dans la crypto-monnaie. Il avait été enlevé avec son épouse mardi matin. Les trois autres personnes qui étaient en garde à vue ont été relâchées. C'est la fin de la régularisation à tour de bras. La fermeté de Bruno Retailleau face à l'immigration, invité de la grande interview Europe 1 CNews, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'application dès aujourd'hui d'une nouvelle circulaire qui durcit les règles. Elle préconise au moins 7 ans de présence en France pour être régularisé au lieu de 5 actuellement. L'hôtellerie-restauration dit vouloir rencontrer le ministre de l'Intérieur, regrettant un durcissement des règles alors que le secteur peine à recruter. Le Hamas a dévoilé aujourd'hui le nom des 4 prochaines otages israéliennes qui vont être libérées demain dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Elles seront libérées contre des prisonniers palestiniens. Le week-end dernier, 3 premières otages israéliennes ont pu retrouver leur famille. L'Ukraine se dit opposée à toute négociation de paix entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Si Kiev et l'Europe ne sont pas impliquées, le chef du Kremlin s'est dit prêt à discuter avec son homologue américain sans pour autant donner de date concrète. La crise en Ukraine en 2022 aurait pu être évitée si Donald Trump avait été président, a assuré Vladimir Poutine. Le Morbihan placé en vigilance orange, pluie et inondation à l'approche de la tempête Eowyn, tempête qui a balayé l'Irlande avec des vents jusqu'à 183 km/h. Plus de 800 000 foyers sont privés d'électricité, les écoles sont fermées, les trains et les bus ne circulent pas. Et puis Alexis Pinturo est blessé au genou et au tibia avec fracture. Le Français a été victime d'une lourde chute au Super G de Kitzbühel en Autriche. Alexis Pinturo avait déjà été victime en janvier 2024 d'une grave blessure à la jambe gauche, blessure qui avait nécessité une longue rééducation. Merci Émilie Daïs. Alors on vous retrouve lundi maintenant. Lundi. Allez. À lundi, proposez-vous bon bien. Bonne émission. Vous allez encore sortir ou bien oui, ça se calme un peu. Demain soir. Non mais c'est pas possible, elle sort tous les soirs. Je vais au théâtre voir Jean-Luc Lemoyne. Non, je l'adore. Mm. L'embrasser. Ah. Oui, il est exceptionnel, Jean-Luc, on l'adore. Allez voir Jean-Luc Lemoyne d'ailleurs. Mm. Avec grand plaisir, vous l'embrassez de ma part. Je le ferai. Il est incroyable. Il joue où déjà Jean-Luc? Trois Baudets. Oui, Trois Baudets. D'accord. Bah, très bien. Bon, on ira le voir également. Je vous embrasse. Salut, Émilie Dez. Bonne émission. Merci, Émilie Dez. Merci. Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h33. On est en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et vous nous dites voilà ce que vous pensez de toute l'actualité. Alors, il y en a qui veulent parler des narco-racailles. Bruno Retailleau qui a répondu à Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui veut trouver un moyen de vivre avec les dealers de sa ville. On a également des gens qui veulent réagir au complément d'enquête d'aujourd'hui. D'hier plutôt, voilà. Avec, vous l'avez vu sur les OPUTF. Il y a des personnes aussi qui veulent réagir sur Olivier d'Artigol. c'est important, comme ça, voilà. Comme ça, pour le fun. 01 80 20 39 21. Donc j'ai vu Alexis Koller, oui. Et bien c'est chez lui, on s'est regardé et on s'est pas salué. C'est pas. Il y a eu un eye contact? Oh. Il a vu, on s'est vu. Il était sur le côté. On ne s'est pas salué. Il était élégant. Il était habillé très comment bien, pour aller très, au très, parc élégant, ou... très élégant. Il n'avait pas l'air méchant. Pas belliqueux. Pas belliqueux. Franchement, non. Pas belliqueux. Plutôt dans son truc. Mais je pense qu'il y avait pas mal de monde. Voilà, qui me parlait. Il était à côté. Et voilà, on ne s'est pas parlé. Mais je pense qu'il savait qui j'étais. Bah oui, quand même. Non, mais je pense, après, il savait. Comme Édouard Philippe, vous voulez dire. Ouais, Édouard Philippe, je pense que ça a été trop vite, il n'a pas capté. Il s'est dit, qui est cette personne? Voilà, qui est cette personne, franchement. Voilà, tout simplement. Très bien. Voilà, il va y avoir une suite. Oui. Bah, je sais pas, j'espère le revoir. Voilà, s'il nous écoute. Tiens, Alexis Koller, il veut pas venir sur Europe 1. Tiens. Il y a Bruno Retailleau, tiens, qui fait jamais de médias. Bah, qu'il en fasse au moins. Oh, il en a fait quelques-uns, non, quand même. Alexis Koller, jamais. C'est vrai, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien, ça, en revanche. Ça, j'aime bien. J'aime bien le mec qui fait pas d'interview. C'est bien ça. Ça, c'est bien, il a raison. C'est bien. Bravo à lui, ça. On l'a jamais vu, même dans un complément d'enquête. Ah, il a eu un complément d'enquête sur lui, mais il a pas accordé d'interview. Et d'ailleurs, moi, je vais le défendre sur le complément d'enquête. Sur le complément d'enquête, tu as eu sur le service public, parce qu'il y a une histoire donc de conflit d'intérêts sur MSC Croisière, tu as eu sur le service public, en deuxième partie de soirée, les textos d'Alexis Koller à sa femme, parce qu'ils ont été balancés par une fuite judiciaire. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. C'est une atteinte à la vie privée déjà. C'était dans le dossier, pour prouver le conflit d'intérêts ou pas. Et évidemment, comme toujours, du côté de la justice, ça a fuité, ça s'est retrouvé dans le complément d'enquête. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça immonde. Exactement, moi aussi, je trouve ça immonde. Et bravo Alexis Koller, en tout cas, de ne pas faire de médias. Ça, je trouve que c'est un très bon point, bravo à lui. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Il y a plein de gens qui veulent réagir. Tiens, il y a Émilie qui veut réagir sur les narcotrafiquants. Merci Émilie d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Merci. Merci encore de me prendre. Avec plaisir. Et là, je remercie toute l'équipe et vos jeunes journalistes et toute l'équipe des chroniqueurs. Je voulais réagir parce que quand on entend le vivre ensemble avec les dealers, moi, j'ai eu à subir pendant un an ce genre de personnes en dessous de chez moi qui avaient squatté avec la complicité de gens qui faisaient des travaux. Et je ne pouvais pas dormir la nuit. Et puis ce qui est plus dur dans ce genre de situation, c'est la lâcheté de l'entourage. C'est-à-dire que les gens savaient, mais faisaient comme s'il n'y avait rien. Et c'est grâce à un élu qui avait un certain tempérament, champion de judo, que ça a fini par se résoudre. Et alors ils avaient même allumé le chauffage, et j'ai appris bien des mois après que ce chauffage était défectueux et que ça aurait pu faire sauter l'immeuble. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est qu'un exemple. Et ça, c'est exemple, dans le centre de Paris. Exactement. Voilà. Ça, Émilie, ça en plus, ça sert. Et moi, ça a eu des répercussions sur la santé. J'ai eu un premier souci de santé avec cela. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà. Et voilà, quand on n'a pas la possibilité de déménager et de voilà, et même qu'on demande éventuellement un échange, ben non. Bon, voilà. Et en plus, quand on sait que ce genre de famille, les pauvres policiers vous disent « Ah, mais ils sont connus !» Ouais, voilà, exactement. Ouais, on est d'accord. Hein. Vous savez, des témoignages comme ça, comme celui d'Émilie, je peux vous en avoir 2000 par jour. Hein. C'est la différence entre l'idéologie et la réalité. Exactement. C'est toujours pareil. C'est l'idéologie, donc maintenant, pro-dealer d'Éric Piolle qui dit faut prendre soin de son dealer en bas de chez soi, et la réalité du témoignage de notre auditrice à l'instant. C'est l'idéologie du service public qui nous dit l'immigration est une chance pour la France, les OQTF, le problème c'est pas qu'elles soient pas exécutées, c'est qu'on en délivre trop, qui nous sort une enquête nous disant il y a aucun lien entre immigration et délinquance, et c'est la réalité des Français dans leur quotidien. C'est voilà la confrontation pure entre l'idéologie, le dogme et la réalité. C'est ça, exactement. Et c'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que être aussi déconnecté de la réalité, c'est quand même quelque chose. Hein. Je suis désolé, hein. C'est fou. C'est fou, Gauthier. Moi, ça me rend dingue. Bah, dans le sens, pas le sentiment, mais la réalité des quartiers populaires, les habitants se disent on nous a laissé tomber. Aussi par rapport à ce qui vient d'être dit là, il y a beaucoup des gens qui rentrent dans leur immeuble en devant, ils doivent baisser les yeux par rapport aux trafiquants qui sont en bas. D'accord. Non, mais c'est au quotidien. Et le matin, il se réveille en ayant peur. Moi, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais non, c'est vrai, il a raison. On va se retrouver dans un instant, Olivier D'Artigol. Vous avez bien raison, parce qu'on doit partir en pause. On va se retrouver dans une minute. Il y a Émilie qui reste avec nous. Il y a Audrey qui nous appelle. Il y a également Gilles Das. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Grand frais. Salut mec, je devais te rapporter tes cordes d'escalade demain, mais je peux pas, j'ai Grand Frais. Ils ont des nouilles asiatiques savoureuses, un vrai délice. Après, t'imagines si tu deviens le premier homme à atteindre le sommet de l'Everest sans cordes ? Pouah, le truc de fou quoi ! Chez Grand Frais jusqu'à samedi, pour l'achat de 2 paquets de nouilles asiatiques Shaohan, le troisième est offert. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais ! Le meilleur marché. 1,73€ le paquet de 400 grammes, c'est 3 achetés, soit 4,33€ le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Action, nous avons des prix extrêmement bas. Comme par exemple 750 ml de gel WC Ambipur pour seulement 1,69€. Quoi ? C'est vraiment pas cher ! Ou encore un oreiller en microfibre ConfiBeds pour seulement 3,99€. Attends, il y a tout ça chez Action ? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Jusqu'au 30 janvier, vivez et écoutez toute la magie du rendez-vous Air France. Wow. Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple Montréal, à partir de 399€ au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 3 mars au 30 mars 2025. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Vous le savez, les 20 dernières minutes de l'émission, on prend plein d'auditeurs qui veulent réagir à tout. C'est un bon moment, c'est un très bon moment d'ailleurs sur Europe 1 tous les jours. Donc on marche sur la tête et on a Émilie qui est encore avec nous. Après on a Audrey, on a Gildas, on a Thierry. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Vous réagissez au narco-racaille, ce qu'a dit ce terme qui est... très bien trouvé de la part de Bruno Retailleau d'ailleurs, bravo à lui. Et sur d'autres sujets, bien entendu, il y a des gens qui veulent réagir sur les OQTF, sur le complément d'enquête d'hier soir, ou sur d'autres choses, vous êtes bien entendu les bienvenus sur Europe 1. Émilie, vous vouliez rajouter un petit quelque chose hein, après votre témoignage que nous avez fait il y a quelques instants. Cela remonte à des années et qu'il y a eu beaucoup de lâcheté. Oui, et de laxisme. Voilà. De laxisme. Et de lâcheté, exactement. Et de lâcheté de certains élus à qui on faisait remonter. Et voyez, même là, en vous appelant, j'espère que j'en aurai pas les retombées. Bah, j'espère aussi. Et c'est dans un quartier correct, hein, c'est pas. Ouais. Et un immeuble correct, hein, c'est pas. Ouais, mais, voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est partout. C'est partout aujourd'hui. Hein. C'est de plus en plus, ça gangrène la France. Ça gangrène la France et ça a des conséquences. Dramatique, Julie, dramatique. Sur l'ambiance dans la, bah, bien dans, sûr. En France et sur l'économie. Exactement. Voilà. Et sur la bonne économie. Voilà. Et je vais vous dire, sur la qualité de vie des Français, déplorable. Bah, bien sûr. Déplorable dans certaines villes. Catastrophique. Oui, Géraldine Maillet. Non, mais vous avez raison. Et quand vous parlez justement de la lâcheté ou du laxisme, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on a laissé faire, me semble-t-il, pour acheter une paix sociale. C'est ça. Et au moment des émeutes, par exemple, des terribles émeutes suite à la mort tragique de Naël, en fait, à un moment donné, ça s'est arrêté parce que les gros dealers et les gros bonnets ont dit « stop, on arrête tout ». Parce qu'on ne peut plus dealer, on ne gagne plus d'argent, et donc il faut arrêter. Et donc, ils ont sifflé la fin de la récré. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est quand même juste hallucinant. C'est-à-dire que c'est une émeute qui a été remplacée par. Les émeutes ont été stoppées par les dealers. Exactement, c'est ça. Donc c'est on voilà, là encore une fois, on marche sur la tête. Et effectivement, vous avez raison. On achète quelque part une sorte de paix sociale parce que il y a beaucoup de trafic, parce qu'il y a une sorte d'économie souterraine. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie comme ça. Et c'est catastrophique parce que ça veut dire que l'État, justement, a renoncé à remettre ces gens dans la légalité. Exactement. Merci Émilie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, merci à très bientôt encore. Et bon week-end à vous Émilie. Bon week-end. À voir. Il y a Audrey qui est avec nous de Lyon. Bonjour Audrey. Salut Cyril. Salut. Je suis super contente de vous avoir. Nous de même. Nous de même Audrey. Comment ça va? Ça va bien Audrey? Super. Ça se passe bien à Lyon? Super. Tranquille? Non. Non, comme dans toutes les villes. Non, mais comme dans toutes les villes, c'est devenu un truc. En fait, comme dans toutes les villes écolo, en fait. Hein. C'est bien. C'est ce qu'on dit souvent ici. Hein. C'est vrai que c'est quand même incroyable. Il y a quand même alors, un problème. C'est vrai que c'est terrible parce qu'on a l'impression que les témoignages se succèdent, mais ils se ressemblent tous finalement. Oui. Je viens d'écouter la personne qui était avant moi. Alors moi, j'habite Lyon et j'habite Bandol aussi. Donc en fait, je navigue entre les deux villes. Et effectivement. Les villes écolos, en fait, deviennent de plus en plus insécures. Moi, je sais que quand je rentre le soir maintenant, je suis complètement flippée. Pareil que l'auditrice précédente, moi, j'habite dans des quartiers sympas sur Lyon. Et pas plus tard qu'avant-hier, quand je suis rentrée le soir, j'ai des gens qui dealent en bas. C'est juste incroyable. Jamais on aurait vu ça il y a quelques années. Bien sûr. Donc, j'ai envie de dire à Grégory Doucet qu'il faut qu'il se réveille, qu'il faut qu'il remette un peu de police. Exactement. Exactement. Oui. Donc voilà, donc non, ça devient insupportable. La poussière sous le tapis, il faut arrêter. Moi, je vous cache pas, j'aime bien en fait le discours de Sarah Knafo. Je sais qu'elle, voilà, oui. elle a un peu, enfin, pour moi, elle est pas facho. J'aime beaucoup sa manière de d'évoquer les chiffres, d'être assez factuelle. Et voilà, c'est. Voilà. Non, mais alors là, il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'elle hein, sur Europe 1, hein, en tout cas. Hein. Beaucoup d'auditeurs. Hein. Ouais, bah, je trouve qu'elle est très pertinente dans son discours. J'aime beaucoup aussi. Alors, je déteste Zemmour, par contre. Moi, je suis plutôt de droite hein, à la base, mais bon, maintenant la droite, si j'aime bien Wauquiez, mais. Il est super. Bon, voilà, ouais, moi j'aime beaucoup Wauquiez, mais c'est vrai que honnêtement, Sarah Knafo ou Marion Maréchal, qui a des idées très, enfin, qui a un programme plutôt libéral. Qui n'est pas facho, mais pareil, c'est vrai, non, mais c'est vrai que Sarah Knafo, on sent quand même, on sent qu'il se passe quelque chose autour d'elle. Hein. Il y a énormément d'auditeurs qui nous en parlent, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. C'est vrai qu'il se passe un truc autour de Sarah Knafo, il se passe un truc autour de Philippe de Villiers, il se passe un truc bien entendu autour de Bruno Retailleau, autour de voilà, il nous parlait également de Laurent Wauquiez, mais c'est vrai que c'est voilà, Sarah Knafo, c'est vrai que ça elle revient souvent chez nos auditeurs. En tout cas, merci Audrey d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mais je vous en prie, merci. Vous embrasse fort et vous nous rappelez quand vous voulez. Bon week-end à vous. Avec plaisir, merci, bon week-end. Tiens, il y a Gildas qui voudrait nous parler des OQTF parce qu'il y a eu un reportage hier, un document sur complément d'enquête et ce document en fait c'est vrai que il parlait des OQTF, Gauthier Lebret, et on avait l'impression qu'il voulait, voilà, un petit peu, que les gens aient moins peur des OQTF. Vous savez, c'est comme cette histoire de l'affiche où ils n'ont pas voulu mettre que le meurtrier présumé de Philippine était un OQTF, où il y a des gens qui ont retiré les affiches qu'ils avaient mis tués par un OQTF. Voilà, oui, c'est un petit peu ça. Alors il y avait un biais flagrant dans ce complément d'enquête, c'était de dire, un, il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité, deux, il y a trop d'OQTF délivrés et les OQTF ne sont pas des délinquants. Alors c'est vrai, il n'y a plus d'élite séjour irrégulier, donc il n'y a plus de délinquance, mais, et 98% des OQTF n'ont jamais été condamnés par la justice, mais c'est toujours pareil, c'est où est-ce que vous mettez le focus ? Parce que oui, 98% des OQTF n'ont pas été condamnés par la justice, mais ceux qui l'ont été ou ceux qui ont commis des crimes comme le meurtrier de Philippine ou la meurtrière de Lola n'avaient rien à faire en France par définition. Donc évidemment, il y avait un biais dans ce complément d'enquête. Mais tu ne trouves pas, Gauthier, qu'ils ont voulu, avec ce complément d'enquête, un peu culpabiliser les Français ? Il y avait un truc du genre, mais en fait c'est un fantasme, en fait vous fantasmez là-dessus, il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et je trouve que c'est très insultant par rapport aux Français qui se posent des questions, à juste titre je trouve, sur ce problème des OQTF qui est un vrai problème, un vrai poison, et encore une fois, qui n'est pas une question de racisme, c'est une question de on doit maîtriser, et quand on ne doit pas être sur le territoire français, on ne doit pas être sur le territoire français, quelle que soit votre nationalité. Bien entendu. Gilles Das ? Oui, bonsoir. Bonsoir Gilles Das, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci de m'accueillir aussi sur votre station. D'abord, je vous présente tous mes vœux pour l'année 2025. Merci, pareillement, et bon week-end à vous en tout cas aussi. Vous allez faire quoi ? Merci beaucoup. Il y a quoi de prévu ce week-end ? Il y a quoi de prévu ce week-end ? Oh ben moi, ça va être écriture et match de foot pour mon fils. Bon bah très bien. Vous embrassez votre fils. En Bretagne. Merci. Bah très bien. Allez, vous voulez nous parler de cette. Moi je voulais apporter juste un regard de quelqu'un qui n'a pas vécu en France depuis plus de 20 ans. D'accord. Vous étiez où, Gilles ? Moi, je vivais en Polynésie française. Ah, d'accord. Et je suis revenu pour une année vivre en France. Et moi, j'ai connu la France que dans les années 80 et 90 et les années 2000, toutes les années 2000, je ne les ai pas vécues. Et je suis revenu ici et je me suis retrouvé affublé de pas mal d'étiquettes, complotistes, racistes, antisémites peut-être un jour et d'extrême droite, a priori. Tout simplement parce que je comprends plus vraiment la France dans laquelle j'ai vécu et celle dans laquelle je viens vivre, en fait, où on peut pas discuter avec les gens facilement, où on semble être quelqu'un une sorte d'extraterrestre quand on évoque tout ce que vous présentez, tout ce que vous soulevez comme problématique qu'on trouve en France. Donc voilà, j'ai même l'impression d'être pas un OQTF, mais un retourne vivre ailleurs parce que ici t'es plus chez toi. C'est assez franchement, ça fait peur ce témoignage de Gilles Das qui n'avait pas vécu en France métropolitaine depuis très longtemps et qui voit quand même que Gilles Das, je vous le dis, c'est surtout, je vous le dis, une minorité de gens qui ne pensent pas comme vous qui vont faire chier une majorité, hein, pas se raconter d'histoire. Mais c'est clair, effectivement le cas, c'est effectivement le cas, mais c'est vrai que c'est délicat parce que d'habitude, je veux dire, quand moi j'arrive ici, je connais plus grand monde. On prend un apéro, on discute. Après avoir parlé des enfants, des belles plages polynésiennes, et voilà, on a envie de parler de sujets un peu plus pertinents, de savoir comment ça va ici, comment on peut trouver du travail, comment on peut vivre avec les gens, et on se rend compte qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, ou être sûr que les personnes elles pensent comme vous. Si on pense comme vous, vous avez le droit de parler. Sinon, vous pensez mal. C'est d'une tristesse incroyable. Moi, j'empêche personne de penser comme il veut. Je vous ai écrit sur votre TikTok, enfin pas sur TikTok, comment ça s'appelle, sur X, une phrase d'Orwell qui disait que la liberté, c'était surtout la liberté de laisser les gens dire ce que vous n'aviez pas envie d'entendre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut dire ce que la majorité bien-pensante, ou minorité, parce qu'elle n'est pas si importante que ça non plus, veut entendre. Très bien. Ben merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Et c'était important ce témoignage de Gilles Das sur Europe 1. Voilà, en ce vendredi, il est 17h49. On va finir avec Thierry. Merci Gilles Das d'avoir été avec nous. On va finir avec Thierry de Haute-Garonne. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. J'aime beaucoup ce que vous faites, bien sûr, depuis très longtemps. Merci beaucoup. Et j'essaie de vous suivre tous les soirs parce que je trouve ça des sujets qui sont super intéressants. On essaie. Et je suis tellement triste de voir que que ça va s'arrêter quoi. Alors vous inquiétez pas, hein, il va se passer des choses, vous inquiétez pas. Alors moi j'aimerais bien, bon, avant préambule, savoir si vous pouvez, je sais que vous avez un grand cœur, j'aurais bien aimé assister avant que ça parte. J'aurais bien, vous savez, des fois vous avez quelqu'un qui est là, que vous prenez dans le public ou ailleurs, oui, et qui pourrait être là pour assister. Moi j'avoue que j'aurais bien aimé, ça aurait vraiment été mon kiff. De passer quelques heures avec l'équipe, avec vous. On va regarder. Je vous laisse quelques heures avec Olivier D'Artigol. Vous pourrez faire la sieste. Avec grand plaisir. J'aime bien Olivier D'Artigol. Il est sympa. Moi aussi, je l'adore. J'adore ce mec. C'est un super gars. Ils vont vous prendre en antenne, ne vous inquiétez pas. Très vite, Thierry, parce qu'il nous reste une minute. Rapidement, moi j'ai été, effectivement, moi je parlais effectivement de ces procédures, de 2 millions de procédures, je pense que vous l'avez entendu, en attente, en souffrance. Donc il y a vraiment un problème. Je pense que M. Darmanin va falloir vraiment qu'il prenne tout ça à bras le corps et qu'il change les choses. Et je donne quelques exemples. J'ai été délégué du procureur de la République pendant un an. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un DPR. Ça vous parle ou pas? Un DPR? Un DPR, délégué du procureur de la République. C'est un assistant, en fait, qui assiste le procureur de la République et notamment les magistrats pour, on va dire, un espèce de deal, si vous voulez, pour éviter que les mises en cause qui sont des petits délits et qui n'ont pas, bien sûr, des casiers énormes, judiciaires énormes et ou des problèmes énormes, qu'on puisse éventuellement leur donner une amende ou un stage de citoyenneté ou du travail non rémunéré dans différentes associations ou mairies. Ça permet de désengorger. De les récupérer, et désengorger. Voilà, j'ai fait ça pendant un an. J'ai adoré. Et j'aimerais bien le refaire. Mais seulement, je suis parti parce que j'étais extrêmement démotivé. Je gagnais 600 euros par mois. À plein temps, vous voyez, et j'avais pas. Et alors, le problème de ce métier, c'est qu'on n'a pas de salaire, pas de contrat de travail, pas de contrat de travail, pas de salaire, on n'a pas de statut, on n'a pas de carte professionnelle. Et actuellement, j'ai encore des collègues qui sont là, mais quand j'en parle, merci, on me dit, Thierry, c'est pas vrai. Voilà. Thierry, bravo pour votre témoignage. Vous avez bien raison. Merci à vous d'avoir mis le. Je reste en ligne. Non, on va y aller, Thierry. C'est fini. C'est la fin de l'émission. Pour donner ses coordonnées. Vous restez en ligne, bien entendu. Voilà. Vous prendre vos coordonnées. Merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Punchline avec Thierry Cabanne sur CNews Europe 1. Merci. Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ».